l'Internet. Hey! Salut tout le monde, bienvenue à ce 99e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Ça va. J'espère que ça va bien. Comment va ton dos, Nicolas? ça va moins bien, mais moi, je vais bien en général. C'est bien. Merci au painkiller. Ouais, c'est pour ça que t'es sur le cœur noir. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour respecter la postologie. Là, parce que... Il nous voit avec des faces bizarres. Ouais, c'est ça. Face de pinote. Si je dors tantôt dans le show, vous me poquez. Ouais, c'est ça. Nous autres, Mario nous a acheté de la belle pit caribou directement de. Une porter puis une blanche. Et Colin. Sa tabagie à carte de magie, sûrement. La tabagie multi-tabagie. C'est le frigo de Bacchus, qui est un petit dépanneur de micro-brasserie. Sur Masson. C'est pas sur Masson, c'est sur la 9e, mais au coin de Masson. Bon, on les salue, mais on n'a pas de commandite. Pour la prochaine fois. En ce moment, on pourrait vous plugger. Là. Commanditer le show. Là. Ouais. Ça, on n'est pas cher. Là. Non. Coupe de bière, il a dit. Vous voulez des plugs, on en fait. Fait que sinon, les playlists sont sur YouTube parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé de mettre la musique sur YouTube. Oui. Puis notre grand magicien a fait ça. Oui, le lendemain du show, c'était fait. Ouais, c'est 24 gigs de musique sur YouTube, des heures. Ah, mais la réception était super bonne. Hein? Ouais, il y a plein de monde qui l'écoute. En fait, ils nous ont demandé de le mettre sur SoundCloud au début, mais il y a une limite de 3 heures, puis j'avais pas envie de payer 100$ par année. Fait qu'on les a mis sur YouTube, c'est gratis. Ben ouais. Fait qu'il y a une belle playlist avec toutes les tunes de 2016 et 2017, puis même malade. Que Michael a un document qui a partagé quelque part, je me rappelle plus où, que t'as toutes les listes avec les trackings des musiques pour 2017. Ouais. 2016, on l'a pas malheureusement. Là, mais... Ben, faudrait que je le fasse, mais ça me tente fucking pas. Là. C'est ça que je me disais. Fait que. Ben, si on a un auditeur. Payez-moi. Ouais, exact. Si on a un auditeur à l'oreille. Faites un don direct sur le PayPal de Papa Cassette. Exactement. Il n'y a pas de Shazam pour la musique rétro. Puis je vais le faire parce que je les ai toutes les tracks. Bon. Puis voilà. Sinon, je fais rien. Mais la réception a été bonne, par ouais. exemple. Ouais, ben, c'est vraiment cool. Ouais, c'est génial. Tant mieux. Tout ce pauvre monde-là. Du plus value, ouais. Ben oui, tout ce pauvre monde-là, que quand il avait fini d'écouter notre show, il n'y avait plus rien ouais. à écouter. Plus c'était le vide. C'était le vide, là. C'est, le néant. Ouais. Fait qu'on leur donne une raison de vivre au travail. C'était cœur, hein. Ouais. C'est malade. Mais vous savez que vous pouvez aussi aller dans les archives. Toujours. Parce que ces shows-là, écoute, on en a fait en sacrifice. Ouais, il y a des fois, c'est dur à démêler parce que c'est numéroté tout croche. Là. Ouais, mais on en a fait, là, ça fait pas d'omelette sans casser des œufs. Exact. Mais je pense qu'on approche 300 vidéos est-ce sur qu'on YouTube. A cassé? Aussi, 300 vidéos quand même. Ouais. C'est bien. Ben du stock à regarder là-dessus. Tabarnouche. Ouais. Ah ouais, wow. Quelque part, quelqu'un chez Google qui est comme tabarnak, rétro nouveau, upload ben trop de stock. C'est pas c'est ça. En train, les serveurs vont brûler. Des terabytes. Il y a ben trop de vidéos pour le nombre de views. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vaut pas la peine. Aïe, aïe. Sinon, nouvelle initiative pour nos Patreons. Ouais. On fait un show pour vous. On fait un show seulement pour les Patreons, entre autres, juste avant le show que vous écoutez présentement. Yes. On fait un show d'une demi-heure et plus, parce que là, pour l'instant, c'était une demi-heure ce soir, mais ça se peut que des fois, ça soit plus que ça. Ouais, ouais. Puis c'est un show qui est 100% exclusif pour les Patreons. Donc, les gens qui sont ici avec nous ce soir ne l'auront pas. C'est vraiment une exclusivité pour les Patreons. Donc, si vous voulez écouter ce show-là, vous devez être Patreon de Rétro Nouveau. C'est un des avantages de l'être. Et puis, on va travailler vraiment très fort pour les Patreons cette année. C'est-à-dire qu'on va vous en donner plus. C'est un des avantages de devenir Patreon pour Rétro Nouveau. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de perks à obtenir pour les Patreons, oui. Envoyez-nous ça. On cherche... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les fans, justement, de plus? Exact. Si, mettons, quelqu'un voudrait que je parle de petits gâteaux vachon pendant une demi-heure, je pourrais le faire. Ça me ferait plaisir. Tu sais, les affaires demain. Open mic style. Open mic, ouais. Gâteau ouais. vachon. Mais comme juste tantôt, il y a eu des discussions, puis il y a eu plein de gaming, parce que là, on a plugué une vidéo capture card dans la oui. NES Classic. Fait, tantôt, on jouait à NES Classic en jasant là, avant le show. Ouais. Fait que c'est ce que vous auriez un peu en pre-show. Puis, c'était fantastique. On a découvert un warp ben d'un Radius ben oui. live. Ben oui. live. C'était malade. Mario on avait ça. A découvert de quoi. Fait que les trois personnes qui nous écoutaient, ils ont appris quelque chose. Exact. On a parlé aussi de restauration, de sport, de char, d'affaires louches. Ouais. Masturbation aussi en dernier. Oui. Fait que c'est quand même beaucoup de choses pour tout le monde. C'est du contenu de qualité. Il y en a pour tous les goûts. Tu sais que chacune de tes pièces, tu la ressens en écoutant, tu sais, le contenu de qualité qu'il y a là-dedans. Là. Exact. Puis ça va rien qu'aller là, en se dégradant. Là, à un moment donné, ça va être un vrai cauchemar. Niveau de guenille. Guenille level 1000. Dans le chat, il y a Jean-Philippe André qui a posté le lien vers la musique 2017, la feuille de Michael. Là, fait que, Nice. Je vais voir ça. Puis il y a quelqu'un qui nous demande si on trouve qu'il y a du lag avec la NES classique. Je trouve pas qu'il y a de lag tant que ça. Là, hey, moi, j'en avais épouvantablement dans ma télé. Ah ouais? Puis c'était horrible. Là. J'étais pas capable de jouer à Mega Man. Puis là, il y a du monde qui dit oh, « Moi, j'ai zéro lag. » Mais là, j'ai activé le game mode dans ma télé. Puis ça a réglé 90% du lag. Là. Fait que si vous avez une télé récente, je pense qu'il y a ça dans toutes les télés maintenant. C'est que ton image, elle risque d'être moins belle, mais j'ai vu aucune différence. Puis comme le rafraîchissement est plus rapide. Ouais. Fait que ça a réglé ça. Mais bon, là, moi je suis très anal. T'sais, ce qui fait que de la minute qu'il y a un micro lag, ça me dérange tout de suite. Mais je peux vivre avec, là, présent. Ouais. Mais je sais pas si on peut battre Mike Tyson avec ce micro-lag, là. Ouais. Il y a du monde. Internet dit que oui, il y a du monde qui dit que non, je sais pas. Moi, j'ai jamais réussi à le battre anyway. Mais c'est ça. Quand ça demande de l'extrême précision, Ninja Gaiden, tuer Mike Tyson, ça peut gosser si vous êtes. Vous êtes habitué, peut-être. Exactement. Si t'as jamais joué, tu saurais même pas qu'il y a du lag. Mais anyway, si tu joues tout le temps sur NES, c'est pas pour toi, là, la NES classique, me semble, tu devrais avoir déjà les jeux physiques. Là. Ouais, c'est ça. Toujours. Moi, je devrais être une collection partout. Les trouver dans la rue. Non, mais je vois. C'est pratique. Ah, c'est j'ai bien des plans pour elle. Moi il fait subir des affaires. Là. Caroline. C'est ça. Il va lui JF, t'avais un point par la suite. Je voulais donner des petits conseils aux gens parce que là, ça a l'air que maintenant, le mode de vente, c'est la rareté maintenant, même dans le nouveau. Fait que, plus qu'à de trouver des NES classiques, de la misère à trouver des affaires de Switch. Fait que j'ai deux trucs à vous donner parce que j'étais capable de mettre la main sur deux NES classiques. J'ai pas forcé tant que ça, fait que je vais donner mes trucs quand même parce que là, je n'ai plus de besoin. Fait que, si vous cherchez des trucs qui sont out of stock et qu'il y a des shipments comme la NES classique, il y a un site web canadien qui s'appelle nowinstock.net. Allez là-dessus, cherchez le produit que vous voulez. Puis vous pouvez vous mettre une petite alarme dans le coin qui va vous sonner quand le stock va être en ligne chez Amazon. Best Buy, La Source, une couple de sites comme ça. Fait que moi, je le dog dans le bas de mon ordi. Des fois, ça fait bu dans mon oreille. Fait que je sais tout de suite que je peux aller voir sur le lien. C'est le temps de dépenser. C'est le temps de faire des folles dépenses. Mais tu sais, quand t'as pas d'enfant, tu peux dépenser un peu plus que les autres, peut-être. Là, ouais, c'est ça. Tu dépenses pareil avec les enfants. C'est ça, je me dis. Ils sont juste à pied un peu plus guenilles, là. Puis l'autre. Ouais, tu vois, le bel linge de ton frère. Ouais, les bobettes, les bas, tout, je m'en crisse. L'autre, je te laisse piner. En fait, ils mettent ton linge. On le taille. Misérable à l'école. On prend une vieille paire de jeans, puis on fait un genre de tube avec, avec une jambe. C'est ça. Des trous de chaque bord, tu sais. C'est comme... Tu veux faire deux enfants avec un t-shirt. Fait que, c'est super économique. Puis l'autre truc concerne Best Buy, c'est un compte Twitter, BBYC_GamersClub. Oh. Eux autres, ils tweetent quand il y a des sorties, là, comme ils disent, mettons, OK, à minuit, on sort genre la Switch. Ouais. Eux vont tweeter le lien direct. Des fois, t'es dans la grille de produits sur Best Buy, puis tu le vois pas qui est disponible. Ben, eux te tweetent le lien directement quand il sort. Fait que si vous attendez quelque chose comme l'autre fois, je voulais avoir la Pro Controller de la Switch. Ouais. Je me suis mis derrière sur mon sel. Dès que ça a popé, j'ai cliqué dessus, je suis allé, je l'ai acheté, c'était fait. Donc deux petits trucs, Now in Stock puis BBYC Gamers Club. Si jamais vous cherchez des trucs en nouveau qui sont pas disponibles nulle part, là. Wow. Nice. Bon travail, Jean-Paul. Grandeur d'âme, je vous donne ça comme ça. C'est grâce à toi que j'ai eu ma NES Mini. D'ailleurs, oui. Là, parce que j'ai acheté la mienne puis j'ai pu ça, je l'ai dit à tout le monde. Exactement. Puis on a tout viré. T'as sécurisé la tienne puis après, t'as répandu la bonne. Pendant 20 minutes sur Amazon Prime, il y en a eu, ça a pas été long. Ça a pas été long. Ouais. Généralement, là. C'est parce qu'il fallait que tu sois sur Prime, c'est ça qui a ralenti, sinon ça aurait duré 2 minutes. Sinon, tu sais, Now in Stock, ça roule aux 5 minutes, mettons l'update, puis des fois tu le pognes puis il y en a 2 minutes puis c'est fini. Moi, je suis allé sur Amazon, je me suis mis membre Prime, je dis oui, accepte. J'ai acheté, j'ai shippé, puis je me suis désactivé tout de suite. Fait que ça va durer un mois, je serai pas chargé, puis that's it. Mon cousin Frédéric Dunn, en fait, le temps qu'il s'inscrit à Prime, il y en avait plus, tu sais. Il était Martin furieux, tu sais, ouais. Il s'inscrit à Prime, mais ça coûte rien le premier mois, là. Fait que, non, c'est ça, c'est pas la plus dramatique des choses, mais bon. Donc, voilà. Moi, j'ai un shout-out à faire à Ghislain Gravel, mesdames et messieurs. J'étais complètement sous samedi après la vente qu'il y a eu chez Arcane Montréal. Et puis, je descendais du stage. Puis là, il y a comme un gars qui m'accoste, tu sais. Puis il me dit, il y a un gars sur le stage, là, lui, là, il me pointait. C'est un de vos fans, tu sais. Il vous écoute depuis super longtemps, puis tout ça. Puis, tu sais, parle-y. Je suis comme, OK. Mais finalement, c'est lui qui est venu me voir. Puis, c'est ça. Il a dit qu'il était, qu'il nous écoutait depuis longtemps, puis qu'il adorait ça. Puis qu'on était son podcast préféré. Of all! Wow! C'est même nice. S'il écoute des podcasts américains, tout ça. Nice. Puis, donc, c'est vraiment comme. Ça arrive quand même régulièrement au bar. Ben moi des fois, mais ma blonde elle travaille tous les vendredis, puis il y a comme du monde qui parle de rétro nouveau tout ça, puis moi ça me fait vraiment chaud quand, ouais, moi, quand avec, le monde prend cool. le temps venir excusez nous parler, puis tout ça, puis vraiment ma blonde elle reçoit beaucoup de love de rétro nouveau, tu sais, cool. maman cassette da, da, da. Fait que c'est le fun, je sais pas, ces temps-ci oui. on reçoit beaucoup de bons commentaires, ouais. là, moi j'étais sur le bord de lâcher tout ça. Mais là, finalement, tout le monde nous aime. Ben, ça fait du bien, tu sais, une petite dose. Je sais pas si tu l'avais mentionné, suite au spécial Pac-Man, il y a un gars qui est venu pour toucher à la boîte à lunch et prendre une photo avec. Ah, oui. Parce que tu avais dit dans le podcast, passez, puis vous pouvez y toucher. Ben lui, il est venu pour ça. Ben oui, ben, oui. C'est malade. C'est non, mais c'est le fun de voir qu'il y a des auditeurs de Rétro Nouveau qui vont au bar, tu sais, parce, ben oui. Parce qu'ils ont connu le show avant. Là, exact. Ils veulent juste encourager, dans le fond, c'est bien gentil. Donc, ah, c'est très, très, cool. très, très apprécié. Fait que merci encore une fois, Ghislain. Ben, d'ailleurs, nice. Moi, là-dessus, je voulais souligner, on a reçu un email de Jean-Sébastien Bédard. Puis je vais vous lire en diagonale parce que c'est vraiment un long email qui est très cool. Le gars nous écoute depuis 2012. Il nous a connus avec le défunt podcast All Stars qui a fait découvrir notre projet en fait en 2012. Puis, il nous a perdu de vue avec les aventures TV pendant un bout de temps parce que TV, ça a fait lâcher nos fans qui étaient audio plus que vidéo. Puis, c'est ça, il s'est rattrapé. Il nous a écouté. Écoute, il dit qu'il a écouté 6 mois d'épisodes en 2 semaines. Wow. Un vrai aye trooper, aye. Merci. Puis, c'est ça, il adore notre passion, notre humour. Il a trippé sur notre épisode de Castlevania. Puis, c'est ça, il aime beaucoup ce qu'on fait. Moi, il trippe sur mes critiques, dit que je suis un passionné, c'est cool. GF, il voulait te remercier d'exister. Ça, c'est fort. Hein. Parce que t'es la fondation du show. Puis même ma blonde ne me dit pas ça. Écoute. Puis d'ailleurs, justement, juste le passage sur GF, je veux le dire parce que les gens qui nous écoutent, des fois, n'entendent pas souvent GF, mais GF, c'est vrai que c'est un membre très important de Rétro Nouveau. Il dit « Jean-François, je voudrais juste te remercier d'exister. On sent vraiment que t'es la fondation du show, la colle qui fait tenir le pont en bâton de Popsicle. » On voit qu'il nous écoute. Ouais. Ouais, il y a plein de références. « Ta dernière initiative des vidéos Let's Play m'a vraiment plu et j'espère que cette initiative grandira lors de votre déménagement dans votre prochain studio. » Oui. Ah. Oui. Définitivement. En passant, ton apport à Rétro Nouveau m'a fait découvrir tes autres podcasts que j'aime beaucoup, La Jazette, La Soirée du podcast ainsi que La Boucle infinie. Et oui, je comprends ce qui se dit dans ce dernier. Yes, cool. Merci, man. Ouais, merci beaucoup. Puis c'est ça, Nicolas, il adore ton addition à l'équipe depuis 2 ans parce que t'amènes un vent de fraîcheur, puis c'est totalement merci. Vrai. Puis Dominique adore ton franc-parler et tes blagues. Oui. Salace. Salace. Puis c'est ça, il dit que ton amiibo à moitié fondu est en chemin. Ah oui, ça me prend ça. Ah ouais, il t'amène ça, ça sera pas long. Puis c'est ça, il aime beaucoup l'idée de nos pre-shows. Il est un Patreon, donc merci de nous supporter, man. Puis justement, le support des Patreons nous donne le goût d'en faire encore plus, donc merci. Puis c'est ça, il y avait 2 questions. Il me disait, entre autres, il disait « Je me rappelle qu'il y a très longtemps, en 2012, j'ai écouté un épisode spécial qui se passait lors d'un l'un de vos premiers week-end gaming à Tremblant. Cependant, je le retrouve plus nulle part sur votre site. Ai-je rêvé cet épisode? » Je sais pas, je me rappelle de l'avoir écouté. Toi, Nick, t'étais là. Moi, vous m'avez interviewé dans le temps, mais je faisais pas partie de l'équipe. Non, c'est ça, encore. Ça fait longtemps. Oh, ouais, c'est ça. Le petit chalet de Tremblant. Oui, ouais. C'est quand j'ai dit, ça commence, puis je dis vendredi soir. Puis on est sous. Seb était là, puis tout ça. Mais je pense que c'est les 2 seuls bouts qu'on aurait perdu en faisant une transition. Peut-être. Exact. J'ai pas souvenir. Faudrait voir c'était quel épisode, mais on peut regarder si c'était pas dans les annales quelque part. J'ai les visuels chez nous. J'ai sortirai, puis j'ai sorti. C'est un MP3 quelque part. Là. En tout cas, on va essayer de le ressortir. For old time's sake. Puis il dit « Je réécoute la plupart de vos épisodes ces derniers temps et je suis tombé sur l'épisode 12 de Rétro Nouveau Radio 2. » Ah non, c'est ça, Rétro Nouveau Radio, 2 décembre 2014. Dis sérieux, les gars, ça va devenir difficile de référencer les vieux épisodes. Ouais, avec ça changera plus, par exemple. Ça changera plus, là, on est écœuré de changer tout ça. Puis il dit, au début de cet épisode, Bruno parle de la fin de Monsieur Net. Maintenant que la poussière est tombée, que Bruno n'est plus un employé de Musique Plus, j'aimerais connaître son opinion sur le sujet. Pour toutes sortes de raisons, je pourrais comprendre qu'il ne veuille pas répondre à cette question. Je vais répondre très rapidement. Bruno, t'as 5 minutes. J'ai 5 minutes pour répondre. À partir de maintenant. Puis c'est ça. En gros, je me souviens plus qu'est-ce qui a été dit et pas dit, mais quand Monsieur Net, ça s'est terminé abruptement. Mais pas si abruptement que ça. À l'interne, en fait, on sentait qu'il y avait des choses qui se passaient et que ça allait peut-être changer parce que un an auparavant, on avait fait, il y avait eu la décision de faire de Monsieur Net une émission d'une heure. Puis toute l'équipe, on était super contents. Puis on était vraiment hyped. Là. On capotait toute l'équipe. Puis on voulait que ce show-là soit un show d'une heure absolument incontournable. Puis toute l'équipe y mettait vraiment beaucoup d'énergie. Finalement, l'année suivante, ils ont coupé ça à une demi-heure. On nous demandait d'ajouter plus de musique. On nous demandait de faire des changements vraiment à Monsieur Net qu'on comprenait pas trop. Puis, on allait avec la vague, mais ça fonctionnait plus ou moins. Fait que, tu sais, la dernière année de Monsieur Net, c'est comme une bonne chose. En même temps, je pense que c'est une bonne chose que ça soit terminé, Monsieur Net, parce que où ça s'en allait, c'était pas la vision. Je pense que c'était pas la vision de l'équipe. C'était probablement, je peux pas parler pour lui, mais d'après moi, Denis aussi, c'était pas comme ça qu'il voyait, qu'il envisageait le show. Tu sais, ça s'en allait pas dans une direction qu'on aimait tant que ça. Ouais. Fait que c'est ça, quand ça s'est terminé, c'est plate, mais moi, dans un sens, j'ai vu ça comme un rite de passage. Tu sais, j'étais content à cause que je pouvais enfin me consacrer à 100% Rétro Nouveau. Qui est vraiment le projet qui me tient à cœur. Puis même quand j'étais à Monsieur Net, oui, j'aimais ça, Monsieur Net, puis ça me manque encore des fois de faire de la TV live puis d'être avec ces gens-là. Mais en même temps, Rétro Nouveau, c'est plus ça, tu sais. On a parti ça, moi puis Dom, puis c'est vraiment là-dedans que je trippe à fond, tu sais. Fait que j'étais content de pouvoir passer plus de temps là-dedans. Puis Monsieur Net, ben écoutez, c'est plate que ça n'existe plus, mais je pense que tout le monde s'en est relevé, grandi quand même. Denis, avec Radio Talbot, fait un job incroyable avec toute son équipe. Puis il y a beaucoup de monde qui me demande aussi pourquoi je suis pas à Radio Talbot. Ben, c'est parce que j'étais à Rétro Nouveau. J'ai commencé ça bien avant que Monsieur Net termine. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je vais peut-être aller faire un tour à Radio Talbot cette année pour voir, pour aller voir la gang, aller voir Denis et tout ça. Jusqu'à date, ça ne donne pas à cause de la famille, les amis, tout ça, puis Rétro Nouveau. Mais je vais peut-être essayer d'aller faire un tour, pour le fun. Là. Fait que c'est ça, pour Monsieur Net, c'est triste, c'est fini, mais c'est pas grave, on passe à d'autres choses. Puis au moins, on a Rétro Nouveau. Oui. Fait que c'est ça. Yes. Sur ça, merci beaucoup de ta lettre, man. On est vraiment touchés. C'est vraiment une belle lettre, là. Très belle lettre. C'est venu me chercher. Oui. Ouais. Ouais, il a pris du temps. Oui, il a pris beaucoup de temps. Ben oui, c'était, vraiment. C'était pas personnel. Il n'y avait pas de faute. Ouais, c'était bien écrit. Exact. Super. Super. Non, mais tu sais, c'est bon ça aussi, des fois. Ouais, des fois, le monde ne sait pas écrire. C'est le fun quand c'est bien écrit aussi. Oui. Ouais, quand le monde a une belle plume, là. Ouais, yes. C'est fantastique. Bon, ben, hey, guys, je vais faire un petit retour sur le dernier épisode que j'ai manqué. Ah oui, c'est vrai, toi, t'avais un truc à ajouter. J'étais gastro plié, en tes rythmes. Ouais, c'est ça, j'étais plié en deux, tu sais, puis j'écoutais le show le lendemain parce que la soirée même, ça donnait pas. Là, j'ai entendu quelque chose, puis les gars, vous avez fait un excellent travail de couvrir Double Dragon 4, parce qu'il faut le dire à tout le monde, c'était moi qui étais supposé couvrir le jeu, mais comme tout le monde avait joué, vous avez embarqué, puis c'était une super critique. Deux choses que je voulais mentionner. Au niveau de la musique qui vous tapait ses nerfs, dans le menu, il y a BGM. Tu peux changer pour mettre le soundtrack original de Double Dragon. Oh. Fait que là, c'est la musique 8 bits de Double Dragon. T'sais. C'est un genre Double Dragon 1, c'est un medley de musique. Là. Donc, tu sais, c'est pas de la nouvelle musique, mais au moins, ça met beaucoup plus dans l'ambiance. Aïe, on a-tu raté de quoi? Moi, honnêtement, je l'ai changé. Là. Moi, après, mettons le premier tableau, j'ai dit, c'est quoi ça fait là? J'ai gossé dans setting, puis j'ai dit, OK, musique classique, let's go. Ouais. Ouais. Mais c'est pas évident, faut le savoir. Autre affaire, en fait, un des features écœurants de Double Dragon 4, je vous dirais, ça, c'est pour moi, là, j'avais donné 3.5. La différence, là, c'est que quand t'as terminé le jeu en mode single player arcade ou même double player, là, l'histoire, ben tu peux refaire l'histoire, mais avec tous les personnages ennemis. Ouais. Fait que tu peux jouer à Bobo, genre. Il y en genre, a beaucoup aussi. C'est malade, mais il y tu en peux a juste. Variété. Ben, ils sont tous là, tu sais. Il y en a qui sont moins intéressants, tu sais. Tu peux jouer avec Linda si tu veux, mais tu sais. c'est vraiment. Mais à Bobo, là, tu sais, c'est hot. Les boss sont là, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment une expérience super différente. Fait que juste pour ça, ça ce jeu-là, il y a le replay value, là, tu sais. Ouais. Mais à part ça, là, excellent travail. Moi, je dis encore, je pense que. Pour l'argent d'un 10$, moi, ça je trouve que c'est un bon prix. Ouais. C'est correct. Là. J'y ai repensé par après aussi. Ouais, puis je me dis que j'en jouerai encore. Ouais. Pour me perfectionner, puis être meilleur, puis explorer un petit peu plus, puis combattre mieux. Ça, ça me tenterait. Là. C'est très arcade. Ah, tout à fait. Puis genre avec une coupe de verre dans le nez, le versus mode, là, ça doit être intéressant. Mais, le versus mode, on l'a pas regardé, mais c'est exactement le même background que le versus mode de Double Dragon 1 au NES. Ouais. Wow. C'est le même paysage. Fait que ça, c'était un autre beau clin d'œil. Bon, cool. Fait que that's it. C'est ça le retour sur All right. All right. Fantastique. Fait que sur ça, on va commencer avec les critiques. Bruno. Oui, commence avec un gros jeu à soir. Un jeu qui va sortir le 28 février prochain. C'est Horizon Zero Dawn. Il est pas sorti, puis tu fais la critique. Il est pas sorti, c'est donc la critique. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à Sony PlayStation qui nous ont envoyé un code pour ce jeu-là. Oui. Donc, c'est ça. Horizon Zero Dawn, c'est le nouveau jeu de Guerrilla Games. Guerrilla Games, en fait, eux autres, ils ont fait les Killzone. Donc, ils sont habitués de sortir les meilleurs first-person shooters qui existent sur la console. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment, là, c'est un gros pas dans le vide parce que ça c'est un jeu de... C'est un sandbox, en fait, un carré de sable où on va explorer. C'est un action RPG, Horizon Zero Dawn. Mais le côté RPG, je dirais qu'il est quand même léger, là. Là-dedans, on incarne Aloy. Aloy, c'est une jeune fille qui naît dans un monde, en fait, qui est environ 1000 ans après maintenant. Puis, il y a eu un apocalypse, il y a eu une fin du monde. Tout le monde est revenu au début, mais il y a quand même des vestiges du passé. Donc, il y a de la technologie qui est restée là. Ouais. Mais sinon, c'est devenu très... c'est très archaïque, là. On est comme revenu à l'âge de pierre, pourtant. Ben, c'est des Amérindiens, là. C'est ça. Mais il y a plusieurs tribus là-dedans, en fait. On va se promener dans un monde qui est énorme. Puis, il y a des... vraiment, les robots qui vivent là, c'est un peu ça, la nature maintenant. T'as quelques mammifères qui sont encore là, mais sinon, c'est peuplé de robots qui ont été, évidemment, probablement inventés par les humains. On ne sait pas encore. Il y a 26 espèces de robots qui sont dans le monde, puis ça rend le monde extrêmement vivant. Tous les robots se battent de façon différente. Bref, là-dedans, et là, il faut qu'elle retrouve des réponses sur son passé. Il faut qu'on retrouve justement à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi c'est comme ça. Elle commence, c'est une paria, c'est une fille qui... Il n'y a personne qui veut y parler, puis elle va se promener avec son mentor, puis il va y montrer... à faire une épreuve qui va l'aider à devenir membre d'une tribu pour pouvoir monter en grade puis tout ça. Pis c'est un personnage qui est empathique par rapport à plein de monde parce qu'elle l'a pas eu facile. Puis finalement, à combat avec les autres tribus, elle va s'unir à du monde. Puis là-dedans, en fait, on se bat contre ces robots-là, mais aussi on se bat contre des humains. Qui vont être contre nous autres, qui vont vouloir arrêter notre périple. La façon que ça marche, c'est qu'elle, elle a des armes qui sont assez simples. On a un arc. Là-dedans, c'est vraiment la base de tout. Ton arc, tu peux avoir un arc que tu vas modifier. Tu peux avoir un arc avec des flèches de feu, des flèches électriques. Tu peux aussi avoir des câbles électriques que tu vas lancer pour pouvoir attraper certains ennemis. Tu vas pouvoir aussi, à un certain point, pirater des robots pour qu'ils puissent détruire d'autres robots pour toi ou tout simplement pour pouvoir les rider toi aussi. Les hacker, là. Les hacker, vraiment, là. On peut-tu mettre le full setness dedans? Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de profondeur à chaque combat. Donc, tu peux pas arriver là puis tirer partout puis espérer gagner. Faut que tu vises des points précis. Sur ouais, ben c'est ça. Des tu petits peux... yeux, des petites... Comme on voit des fois, Aloy, elle a comme une espèce de petit triangle sur le côté de la tête. Ça, c'est comme une espèce de pièce de technologie qu'elle reçoit quand elle est petite. Puis ça lui permet de scanner des affaires. Donc, c'est un peu le côté sci-fi de tout ça. Puis tu peux scanner les ennemis. puis voir leurs points sensibles, voir où est-ce que tu pourrais les tirer, puis tout ça. Il y a personne qui va te montrer exactement quoi faire dans ce jeu-là, en fait, pour ce qui est de ces monstres-là, si on peut dire. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, tu vas les combattre, puis au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu, tu vas finir par trouver le moyen, trouver ton pattern à toi pour les tuer, tu sais. Puis aussi, là-dedans, il faut que tu ramasses des ressources pour pouvoir bâtir tes armes, pour pouvoir bâtir plusieurs choses, pour pouvoir justement te nourrir, puis tout ça. Fait qu'il y a un côté de gathering, de ramasser des ressources, un peu comme dans Monster Hunter. Ouais. Mais c'est présenté de façon beaucoup plus simple. Tout est très facile d'approche dans ce jeu-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on se bat contre ces bébêtes-là, ben des fois, ils ont des pièces qu'on veut absolument qui sont sur leur dos ou sur leur ventre. Ouais. Si on les fait exploser, ces pièces-là n'existent plus. Si on les tire avec notre arc dans l'œil et qu'on essaye de les battre différemment, on va réussir à avoir ces pièces-là. On peut aussi se battre avec notre... on a comme une espèce de bâton qui va nous permettre... une lance, en fait, qui va nous permettre de faire du combat rapproché. Mais le combat rapproché, c'est pas la force de cette fille-là. C'est vraiment l'arc, les flèches. On a aussi un lance-bombe, des trucs comme ça. Ça, l'espèce de grosse girafe qu'on voit là, ça, c'est comme les tours dans Far Cry ou même le Eagle View de Assassin's Creed. En fait, il faut monter sur cette bébite-là pour te rendre jusqu'en haut puis pouvoir découvrir une partie de la carte. Okay. La carte est énorme. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce jeu-là. Les missions principales sont excellentes puis les missions secondaires aussi. Ça aide au narratif à toutes les fois. Il n'y a jamais une mission que j'ai faite là-dedans jusqu'à maintenant. J'ai pas terminé le jeu en passant. Ouais. C'est une aventure de 40 heures environ. Donc, c'est pas rien. Il y a vraiment beaucoup de stock à faire. Puis on avance aussi niveau en niveau. On va devenir de meilleur en meilleur. On va améliorer notre personnage. Il y a aussi un arbre pour améliorer notre personnage, améliorer certaines habiletés de ce personnage-là. Dans ce jeu-là, sérieusement, là, c'est Shadow of Mordor, Far Cry, c'est Uncharted, c'est Witcher, c'est à peu près toutes les choses qu'on aime, de plein de jeux qu'on aime énormément, puis on les a toutes ramassées, puis on a fait un jeu avec, puis j'ai su aussi que d'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé sur Shadow of Mordor, qui étaient dans l'équipe, des gens qui ont... Tu sais, Guerrilla Games aussi, c'est pas des deux de pique, là, c'est pas sont pas à leur début, fait que... Ouais. Il y avait beaucoup de gens très talentueux qui ont travaillé là-dessus, puis c'est drôle parce que moi, en fait, quand j'ai vu le trailer de ça, les trailers de ce jeu-là, ils m'intéressaient pas tant que ça. Je regardais ça, je me disais... Hein. Ben, on avait regardé dans notre spécial E3, hein? On était comme intéressés. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, on était tous venus en conclusion qu'on pensait que c'était un jeu qu'il faut que tu essaies pour en voir le plein potentiel. Puis maintenant que je l'ai essayé puis que je continue à l'essayer, je peux dire que c'est un incontournable. Puis je comprends que ce jeu-là sorte le 28 février parce que c'est le meilleur adversaire pour Zelda. Parce que ça ressemble aussi à Zelda, prochain Zelda qui s'en vient. Ça ressemble énormément. C'est le même type de jeu. C'est coloré. Il y a un bon storyline. Il y a assez de RPG pour intéresser les gens qui aiment les RPG. Puis il y a assez d'action pour intéresser les gens qui veulent un jeu d'action. Ouais. On peut approcher ce jeu-là de différentes façons. Puis il y a énormément de choses à faire. Ouais. Fait que je pense que Sony, c'était un peu la mission aussi en même temps, qui n'a pas été dite nulle part. Mais je pense qu'ils cherchaient un adversaire pour la sortie de la Switch. Mm-hmm. Puis ils l'ont trouvé, ce jeu-là. C'est vraiment incroyable. Et je vais lui donner la note de 4.5 sur 5. Tabarnouche. Wow. Sérieusement, là... C'est si bon. J'ai pas été capable d'arrêter de jouer à ce jeu-là. Je me suis couché à 3 heures la semaine passée, en pleine semaine, parce que j'étais plus capable d'arrêter. OK, c'est bon ça. Fait que non, je te le dis, je pense pas que personne n'aimera pas ce jeu-là. Il est trop bien fait. Là, il est vraiment... c'est top-notch. Good. Ben cool. Là. Moi, je l'ai juste mentionné sur l'héroïne, en fait. Je trouve ça le fun parce qu'ils ont brisé un peu le stéréotype. L'héroïne du jeu. Non, mais sur l'héroïne, c'est vraiment le fun. Non, c'est parce que je vais te parler de me coucher à 3 heures, t'as dit sur l'héroïne, c'est vraiment... Excuse-moi. Non, mais j'aime ça parce qu'ils ont brisé un peu le stéréotype du jeu. T'sais, c'est pas la super pitoune. T'sais, non. T'sais, ça me fait penser à Brave un peu, là, t'sais, oui. comme genre d'anti-héroïne. Mais t'sais, c'est le fun qu'ils prennent... qui prennent cette direction-là pour les héros féminins. Là. Good job. C'est le fun aussi comment ils ont monté ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de faiblesses, tout ça. Tu vois l'inspiration aussi de Tomb Raider à quelque part là-dedans. Fait que tu sais, c'est toutes les affaires que t'aimes. C'est ça qui est écœurant. Là. C'est comme le chip all dress. Le chip all dress du jeu vidéo. Ouais, hein. C'est comme ça a plus de classe que le Party Mix. Ça, c'est ouais. C'est écœurant. C'est une super analogie. C'est écœurant. C'est écœurant. Right. Bon, hey, moi, je continue avec ma folie des Castlevania. Ben ouais, t'as une lancée. Ouais, ben, je joue ces temps-ci au Castlevania que j'ai moins joué dans le temps. Ou presque pas. Je vais parler de tout de Genesis ouais, qui part en même temps. Je vais parler de Castlevania Bloodlines au Genesis que j'avais juste terminé une fois avec Zeph dans un précédent WEG. Ouais. Puis même, je possède ce jeu-là depuis longtemps, mais j'avais comme jamais pris le temps de, tu sais, comme l'apprendre, là, ouais, jouer beaucoup. Fait que je me suis garagé là-dedans. Mais avant de faire ça, je veux faire un petit brin d'histoire parce que c'est quand même intéressant quand on parle de Castlevania, l'histoire. L'action se passe en 1917 et puis c'est une méchante vampire du nom de Elizabeth Bartley qui est la nièce de Dracula. Puis elle a lancé la Première Guerre mondiale, en fait, comme une guerre sacrifice pour qu'il y ait du monde qui meurt pour ramener Dracula à la vie. Et puis, il y a deux héros dans Castlevania Bloodlines. Il y a John Morris et puis Eric Lecard. John, ben, après que Alucard ait détruit son père en 1797, le clan Belmont, il a comme disparu un peu d'un vap. Et puis, ils ont laissé le Vampire Killer à leur clan ami, les Morris du Texas. Ouais. Du Texas, c'est cool. Mais ça, c'est basé sur le film, là, je pense, parce que dans l'histoire de Bloodlines, ça dit qu'en 1897, Quincy Morris, il est dans le film. C'est un vampire, c'est un chasseur de vampires dans le film Bram Stoker Dracula. Ben, c'est le père de John, là, le héros de Bloodlines. Ouais. Il a combattu Dracula. Et puis, c'est John, dans le fond, qui a hérité du Vampire Killer après ça. OK. Et puis, l'histoire dit aussi, très tristement, que le Vampire Killer, vu que John Morris, qu'on voit ici à l'écran, était pas un vrai Belmont, ça a fini par le consumer, genre, son énergie vitale, puis il est mort. C'est vraiment triste de même. Mais c'est ça, vraiment ça, je l'ai lu sur que... Castle Wiki, ouais, là, sur Internet. Mais il mentionne pas ça dans le jeu. Là, on dirait que c'est une version bof de Marty McFly. ouais, c'est ça. Il y a le même kit. Ouais, ben c'est très américain. C'est Biff puis Marty dans un. Ouais. Exact. Puis son ami Eric Lecard, dans le fond, c'est assez simple. Il n'y a pas rien d'autre qui dit. Il se dit rien d'autre que sa blonde s'est fait transformer en vampire par Elizabeth. Puis c'est le meilleur ami de John. Fait qu'il part avec. Et puis on peut voir Jonathan Morris, le fils de John, dans Castlevania Portrait of Rune sur DS, qui est le deuxième qui est sorti sur DS. Donc ça fait comme carrément suite à ça. Et puis Eric Lecard est présent dans ce jeu-là aussi c'est sous Ken. Forme de spectre. C'est un fantôme, puis il t'aide, là, il donne des conseils. Donc ça, c'est très bien. Ce qui est très bon de Castlevania Bloodlines au Genesis, c'est la variété dans les niveaux. Là, ici, on a le niveau qui est comme un peu en diagonale. Il y a un niveau, mettons, où est-ce qu'il y a de l'eau qui monte puis qui descend. Puis toi, tu vois ton reflet, là, c'est un peu hallucinant. Là, ici, John, il peut faire, il peut s'accrocher puis faire Tarzan un peu avec son fouet. Il y a un niveau à la fin où est-ce que l'écran, il est comme horizontalement splitté en 5. Puis mettons, tu vois, tes pieds sont à une place, ton corps, torse, il est plus avancé, ta tête est reculée. Wow. Là, t'es comme, hostie, où est-ce que je regarde? Puis il y a des trous, des marches, c'est super compliqué. Les niveaux sont le fun aussi parce que vu que c'est la Première Guerre mondiale, ça se passe tout en Europe. T'as un niveau que c'est la tour de Pise. Et puis tu la montes vraiment, la tour de Pise. À la fin, tu montes dedans, tu sors, tu montes dessus, plus haut. C'est croche. Ben la tour est croche, puis elle se balance. Ben on le voit à droite là. Ouais. Fait que elle se balance comme ça, puis c'est très beau. Il y a une usine genre de guerre là, où est-ce qu'avec ben des engrenages et puis des squelettes avec des casques militaires. Puis il y a des guns dans ce jeu là, les ennemis. Il y en a quelques-uns qui ont des guns puis des machine guns. Donc on voit que ça se passe dans un temps un petit peu plus récent. Il y a le jardin de Versailles aussi comme niveau. C'est magnifique, là, les plantes qui t'attaquent, tout ça. Puis voilà, donc ils ont vraiment beaucoup de recherche dans la variété des niveaux là-dedans. Là. Ils n'ont pas eu peur d'essayer des choses. Et puis c'est tout réussi, c'est tout bon. Tu es agréablement surpris à chaque fois. Ce qui fait que même s'il y a, je pense, juste au total 6 niveaux ce jeu-là, il y a tellement de stock par niveau Puis il y a des mid-boss d'un niveau aussi. Fait que ça, ça t'en donne là, du jus en masse là, pour pas que ça soit répétitif. C'est ça. Donc, pour revenir à, aux deux personnages, John Morris, c'est le gars qui fouette, là, normal. Il peut fouetter en diagonale dans les airs, ce qui lui donne un très bon avantage. Et puis, il peut faire le Tarzan un peu, mais ça, on s'en crisse, t'sais. C'est comme un peu plate là, quand il faut que tu le fasses parce que c'est pas bien réussi. Et puis, tourne de Castlevania. Oui, histoire de Castlevania, ça, ben ouais. C'est timing. Eric Lecard, il se bat avec une lance, une spear. Lui, il peut piquer par en haut, il peut piquer en diagonale, en sautant par en bas. Ouais. Il peut comme piquer en avant, puis faire flipper sa spear au-dessus de sa tête, puis faire une autre attaque par en arrière. Il a comme plus de... Souple. Il y a plein de choses, mais juste le fait qu'il peut pas sauter puis frapper en... par en haut comme ouais. John... Tu sais, c'est tellement une attaque utile, ça. Puis le fait qu'il l'ait pas, ça fait mal, tu sais, mais bon. Fait que tout ça pour dire que j'ai fini le jeu avec les deux personnages, puis les deux ont leur force, et les deux ont pas vraiment de faiblesse. Donc, c'est quand même pas le même jeu, parce que, ah oui, Eric, il peut faire un move aussi avec sa spear, il se penche, il pique par en bas, puis il se donne une kick dessus, comme un saut à la perche. OK. Il saute très haut en faisant ça. Fait que des fois, il y a des sections de niveau qui sont adaptées pour te faire passer par en haut avec Eric. Ça. Puis sinon, tu peux pas continuer par en bas vu que tu peux pas faire le Tarzan avec ton fouet. Donc, ils te font passer à des places différentes un peu avec les deux personnages. Donc, ça, c'est très bien. La musique est bonne. Ben moi, je suis pas fan de musique de Genesis. Là. Si je trouve ça, ça coule pas. J'aime. Ça m'a gosse. Trop métallique. Ou... On dirait que c'est trop, ça, c'est souvent métallique. C'est métallique, là. C'est crunch. Il aimait la guitare là, électrique. Mais, tu sais, c'est de la bonne musique. Puis, ouais. C'est du beau graphisme. Puis, ils ont repris des classiques de Castlevania. Mais, pas trop. Puis, ils en ont inventé des nouvelles. Fait que, c'est overall, c'est très bien, là. Mais, c'est excellent pour du Genesis. Ouais. Mais, moi, j'aime pas trop ça. Et puis, les boss sont vraiment le fun aussi. Tous très différents. Ben, bien sûr, Def revient. Def, il est le fun parce qu'il y a comme une, il y a un jeu de cartes qui flippe autour de lui, puis tu choisis. Tu fouettes une carte, puis là, c'est un des boss que tu vas rebattre. Et puis, bon, fait que tu fais tous les boss, tu fais Def. Après ça, tu fais la sorcière. La sorcière, elle a deux formes. Après ça, tu fais Dracula. Dracula, il y a trois formes. Donc, il y a du stock, tu sais. Les boss sont bien trippants. C'est un Castlevania qui peut paraître dur à la première fois que tu joues. Puis il va light, là, tu sais. Mais tu vas apprendre puis tout ça, puis tu vas l'apprécier vraiment à chaque nouvelle fois que tu vas jouer, tu vas triper. Il n'y a pas de passage secret ou rien. Il y a du poulet dans les murs, mais il n'y a pas de niveau comme dans Bloodlines où est-ce que tu peux comme « Oh shit, je m'en vais carrément ailleurs sur la map. » Non, c'est totalement linéaire. Ce qui est difficile aussi, c'est que tu as juste deux continues pour faire le jeu. Fait c'est ça. Par contre, quand tu meurs, tu finis ton continu. Si tu es dans le milieu du niveau, tu recommences exactement dans le milieu du niveau. Ah. Tous les niveaux sont séparés en plusieurs séquences. Fait que tu recommences au début de cette petite séquence-là. Fait que c'est jamais déprimant là, quand tu meurs de recommencer au début. Non, fait que c'est comme si tu avais 9 vies pour faire le jeu finalement. Okay. Tu recommences tout le temps à la même place. Puis ça, c'est appréciable. Puis c'est ça qui me faisait peur de ce Castlevania-là. Je suis comme, Chris, là, j'ai pas assez... Donnez-nous des continues tout le temps. Ouais. Mais finalement, non, il s'apprend assez vite, puis c'est bien correct. Mm-hmm. À ma deuxième game, là, les boss de fin, man, je les ai pétés, là, c'était facile. Je connaissais les patterns, tu sais. Y a un expert mode que j'ai essayé, et puis il est vraiment plus dur. Puis ce qu'il y a de dur dans ce jeu-là, c'est que les fucking chauves-souris sont rapides, là. Puis ils t'en envoient en masse, là, pour poivrer les niveaux où est-ce qu'il y a bien des trous puis des plateformes, là. Donc, je me suis fait avoir avec ça, là. Mais je t'ai rendu pas pire loin. C'est faisable, mais les chauves-souris vont vite. Très difficile. Fait que c'est un jeu qui doit être rendu au-dessus de 100$ complet, je pense, au Genesis. C'est un jeu très recherché pour le Genesis parce que je pense même que dans une vieille revue Sega, je sais pas quoi, il l'avait mis dans, dans le top de tous les jeux de Genesis of all time. Donc, non seulement c'est un excellent Castlevania, mais c'est un excellent jeu de Genesis overall pour les amateurs de Genesis. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé retourner jouer à ça, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que je donne la note de 4, exactement. À chaque show, je m'en souviens jamais. Manhattan. Un 4 bien tassé. Là. Ouais. Ça aurait pu être 4.5, je pense. Un 4 fort. Un gros 4. Ça vaut vraiment la peine. Là. Excellent jeu. Vous n'allez pas vous ennuyer avec ça. Deux crises de seconde. Puis c'est vraiment... J'ai deux os de secondes. Puis c'est vraiment un Castlevania à part entière. Là. Il n'y a pas à se tromper. Là. C'est Castlevania à son meilleur. Nice. Good. Solide. Ah, c'est, ensuite, je pense que c'est moi, en fait. Donc, ici, à Retro Nouveau, on a obtenu un code For Honors. Donc, on remercie aussi Ubi. Oups, je me suis trompé de pochette. Trompé, excusez-moi, c'est pas la pochette qui va avec. Oh, no. C'est-tu au moins le bon encore? Oh, nose. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est mon téléphone. Ouais, non. Développé par Ubi, publié par Ubi. Plusieurs studios d'Ubi, dont majoritairement Montréal, en fait. Donc, oui. C'est disponible PS4, Xbox One et PC. PC, je pense, c'est un third party qui a fait le port. Donc, moi, j'ai essayé PS4. Alors, ça, c'est un jeu... c'était un des gros jeux du E3 l'année passée, tu sais. For Honors, on a regardé ça, tu sais. Ça avait l'air super intéressant, tu sais. On regarde ça. Premièrement, le concept est gagnant. Tu sais, tu dis, il y a des samouraïs, il y a des... chevalier puis des vikings, tu sais, c'est comme super bon déjà. Ah oui. Bon, là t'as une base de jeu qui est là, tu sais, fait que là tu dis bon, on sait qu'ils vont pousser ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est axé sur la mêlée, en fait. Donc c'est des attaques d'épée, de hache, tu sais, c'est vraiment du combat là, corps à corps là. C'est vraiment très très beau aussi, tu sais, visuellement j'ai trouvé ça très intéressant, même si ça bouge assez vite. Je peux vous parler un petit peu, tu sais, dans le fond, il y a trois factions que je vous ai parlé. Il y a 12 classes, qu'on peut dire, dans le jeu de base. Ubi a dit qu'il en rajouterait dans le futur, mais pour l'instant, je pense que c'est bien assez. Donc, c'est 4 classes par faction. Là, bon, on a vu un gros bonhomme à l'écran, tu sais, au niveau des samouraïs. Dans le fond, c'est 4 personnages par faction, mais ils ont quelque chose d'assez semblable. T'en as un qui est comme le... il est bon dans tout, défense, offense. T'en as un, c'est le gros tank. Il est super endurant, puis il frappe lentement, mais il frappe vraiment fort. T'en as un qui est un petit peu plus offensif. Il va avoir des armes dans les deux mains, pas de bouclier. Puis après ça, t'as un genre de spécialiste. Ça peut être plus un rogue, ou ça peut être quelqu'un qui se bat avec un spear. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, je les adore, les factions. Mais là, c'est du combat, un contre un, ça, là. Non, c'est du combat. Mais ça peut être un contre un, mais c'est du Battlefield, tu sais. Ce que ce jeu-là a vraiment bien réussi, là, c'est que genre, tu sais, si vous écoutez Game of Thrones, là, quand il y a des batailles, là, tu sais, ben, ça ressemble un peu à ça quand t'es dans le milieu de l'action, tu sais. Okay. C'est un jeu qui est vraiment essentiellement multijoueur. Okay. Donc, mais c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu là-dedans. Donc... Il y a des modes que tu peux faire du 1 contre 1. Ni plus ni moins, on te drop d'une petite map avec un autre dude, puis tu finis que t'as tapoché jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui meurt. Okay. Tu sais, là, tu vas avoir des 3 de 5. Puis c'est vraiment bien. Tu peux faire aussi du 2 contre 2 en équipe. Tu peux faire du 4 contre 4. Mais il y a d'autres sortes aussi de multijoueurs, comme par exemple Dominion. Dominion, c'est un peu comme dans n'importe quel Dominion de jeu en ligne. Ouais. T'as des zones à contrôler, tu sais. Ça, c'est intéressant, ça ajoute une dimension. Fait que t'as 3 zones, là, mettons, A, B, C, puis tu dois les contrôler. Puis en même temps, tu sais, ce qu'on voit autour de toi, il y a beaucoup, certains modes, il y a énormément d'AI qui pop-up. Ouais. Pis c'est le fun parce que les AI, la majorité, c'est des grunts. C'est un AI de base, ils sont faibles. Puis tu te sens puissant, tu sais, tes ramasses, là, tu viens avec les torcher, tu sais, genre, tu sais, des fois, il y en a qui ont des swings là, qui vont pouvoir t'en ramasser 4-5 d'une shot. T'sais. Tu te sens puissant. Tu te sens un chevalier ou un samouraï là, vraiment fort. Là, tu dis, ça donne un bon feeling. Il y a aussi des AI qui sont comme un petit peu plus étoffés. T'sais. Eux sont plus tough. Puis tu les identifies vraiment bien visuellement. Là. Quand il y en a un, dans le fond, il y a un système de locking des targets. Puis ces petits AI-là, pas importants, tu peux pas les locker. Okay. Mais quand il y a un vrai bon ennemi qui arrive, là, tu le lock. Là, ça donne un système de combat rapproché, tu sais, très semblable à plein de choses qu'on a vues, mais extrêmement bien exécuté, tu sais. C'est pas super compliqué, le système de combat, c'est juste bien fait. Tu sais, je vais donner un shout-out aux designers d'Ubi qui ont fait ça, parce que c'est simple, mais efficace. Tu sais, tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a d'un combat avec un épée dans la vie, tu sais? Tu vas pouvoir taper gauche-droite par en haut, ouais. Tu vas pouvoir bloquer, ouais. Tu vas pouvoir faire des parries, puis tu vas pouvoir, mettons, donner une attaque mêlée. Ouais, tu sais, mettons, un attaque mêlée pour assommer la personne. Trust, il y en a qui le font là, quand tu fais des combinaisons. Ouais, là, c'est ouais. Ça. Fait que tu sais, puis là, il y a tout ça. Puis c'est assez. Tu sais, il y a vraiment. Là, parle-moi de ça. C'est vraiment. Tu pars assez pas simple. À faire n'importe quoi sans trop t'en rendre compte. Non, mais tu sais, autant que les contrôles sont simples dans un sens, puis relativement faciles à apprendre, ben les maîtriser, c'est long. C'est ouais. Tough. Puis tu sais, des fois, tu vas te faire tapocher en ligne par un gars qui a clairement joué beaucoup plus que toi. Mais c'est quand même satisfaisant, tu sais. Puis là, bon, lorsque tu vas progresser avec tes personnages, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles habiletés. Par exemple, il y en a une que c'est quand t'es hors d'un combat, tu vas pouvoir te healer. Il y en a un autre que tu lances une petite hachette, dans le fond, là. C'est pas une longue distance, mais juste assez. Il y en a un autre que tu vas comme assommer les personnages autour de toi. Il y a toutes sortes de trucs. C'est un mélange de soit passif ou actif. Vous voyez, là, quand on est en hauteur, on peut faire une attaque super puissante ouais. En droppant sa tête à quelqu'un. Ça a l'air satisfaisant. C'est super satisfaisant, ce jeu-là. Je dirais, c'est vraiment un jeu que vous achetez pour le multijoueur, là. Puis, je pense que c'est ça, il y a un single player ouais, là-dedans. Ouais, je vais en parler un petit peu. Donc, tu sais, Ubi, je pense qu'il va faire un e-sport avec ça. Ça pourrait être possible. Okay. Je sais pas jusqu'à quel point la communauté va embarquer. Moi, j'ai beaucoup apprécié mon temps que j'ai joué en multijoueur. Ouais. C'est assez varié. Honnêtement, puis tu sais, la seule chose que j'aurais aimé, il y a 3 factions, mais dans le fond, dans ton équipe, tu peux te ramasser avec un samouraï, un chevalier, puis tu as un viking. Ouais. Donc, c'est laquelle la quatrième faction? C'est juste 3. Ah, 3, OK. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il en rajoutera un autre à un moment donné. Check bien le DLC. Ouais, moi, Valkyrie, là, ouais. Les Amazones. Ouais. Ben moi, j'aurais... Les Amazones, ça serait hot. Une classe Valkyrie, entre autres. Là, ah, mais, OK, OK. Mais tu sais, j'aurais aimé ça que... Il y a un Berserker aussi. Oh my God! Mais j'aurais aimé ça que ces 3 factions-là, tu sais, se combattent sur le terrain. Mais dans le fond... Il va y avoir un combat dans les factions, mais c'est vraiment sur une carte où tu vas déployer des war assets. C'est comme un peu plus une map tactique. Là, quand tu contrôles des éléments, ça te donne certains avantages. C'est bien. Là, ça ressemble à Galaxy at War de Mass Effect 3, là, pour ceux qui ont ouais. Joué. Là. C'est un petit peu la même affaire. Vous contrôlez une grosse map. Mais là, vous battez au lieu contre un AI, mais c'est des teams humaines. Okay. Donc, on choisit une allégeance à un team. Un peu comme à Pokémon, dans le fond. Ouais. Pokémon Go pour, okay, voilà, pour Dom. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Oui, il y a un multijoueur, il y a un single player, quand même intéressant. C'est pas une très longue campagne, c'est à peu près 6 heures. Moi, j'ai fait à peu près la moitié, je me suis concentré beaucoup sur le multijoueur. Oui. Mais elle est intéressante. Je vous dirais, commencez par jouer ça. Ça vous apprend les bases. Ça vous fait essayer plusieurs classes. Pas toutes les classes, mais certaines. L'histoire est intéressante, tu sais, quand même. Oui. Puis les missions sont pas si variés, mais c'est intéressant, satisfaisant. Tu sais, des fois, il faut brûler des tentes. Ça se passe tout le temps dans des châteaux. Oui, c'est toujours dans des châteaux. Il y a un moment donné, il y a une petite poursuite à cheval là, pour faire un genre de gameplay spécial. Ça, c'est juste en single player. Mais c'est bien, c'est varié. Là, faut que t'aimes les châteaux. Faut que t'aimes les châteaux. Si t'aimes pas le médiéval, c'est ça, hein? Tu joues pas à ça. Là, touche pas à ça. T'sais. Mais c'est beaucoup, c'est des châteaux. Puis ce qui est intéressant, c'est comme un... C'est un air qui n'a pas existé. Tu sais, ouais. Il n'y a jamais eu les Vikings et Vikings contre les samouraïs et les chevaliers en même temps. Mais là, regarde. Johnny Depp, es-tu producer là-dessus? Parce qu'il capote ses châteaux. Ah, ben écoute, je sais pas, mais peut-être que s'il l'est, il va un DLC de pirate qui s'en vient. Ah, ben là, calé. Je sais pas si tu connais le jeu de Chivalry. Chivalry, ouais. J'ai pas essayé. C'est un peu le même concept. C'est différentes factions, puis c'est du multiplayer, puis le monde se rend dans le top, puis. Il y a des pirates, il y a des vikings, il y a comme plein d'affaires, mais vraiment encore plus bizarre. Là. Okay. Mais c'est moins technique le combat, c'est vraiment plus foncé dans le tas, puis c'est super tough. C'est plus comme un moussou, là. Hein? C'est plus comme un genre, justement, invente pas les des affaires, Rose, Bruno. Là. Non! C'est sérieux, ici. Mais ben, ça existe, Nicolas? Oui, c'est comme c'est comme les Dynasty Warriors, ouais. Là, ou ces jeux-là, où tu rentres puis t'as comme 70 méchants en avant de toi, puis mais, tu frappes dedans. Mais en fait, Chivalry, c'est vraiment juste online, tu joues contre d'autres joueurs. T'sais. Nick a perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle de ma critique. T'auras le droit de continuer, là. C'est bon. Mais je vais terminer en disant que il y a un feeling où tu peux t'approcher dans le tas, puis ça ressemble un exact. Peu à un Dynasty Warrior, on pourrait dire, mais globalement, le package est intéressant. C'est très, très axé multijoueur. Le seul petit bémol, c'est que ça prend de l'argent in-game pour débarrer les choses. Tu peux upgrader ton équipement, tu peux acheter les classes même, mais de par défaut, tu peux pas tout débarrer les classes. Tu peux juste en débarrer 3-4 au début sur 12. Fait que oui, ça fait du replay value, mais à un moment donné, Tu vois qu'ils ont fait les choses un petit peu longuement où ils vont vouloir que tu investisses peut-être quelques dollars pour acheter des devises pour débarrasser des affaires. Bon, c'est correct, c'est la game des jeux modernes, mais il y a quand même assez de stock. Puis vous êtes patient, vous allez pouvoir débarrer des affaires. C'est très satisfaisant. Puis de toute façon, il y a quelques classes qui se ressemblent un peu. Fait que vous pouvez faire des choix tactiques là, sur ce que vous débarrez. Tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Je pense que ça a été bien exécuté. Oui. Le feeling du jeu là, est vraiment bon. Les combats sont tactiques, c'est précis. Good job, Ubi, là-dessus. Fait que pour toutes ces raisons, je donne la note de 4 sur 5. Oh, Colin! Beau titre. Checkez ça si vous aimez les combats médiévaux. Et si vous êtes trippé, mettons, un cyberpunk, peut-être moins votre genre, mais... mais besoin de se marier médiéval pour apprécier... Exact. Non. Exact. Si t'aimes les épées, t'as écouté Game of Thrones... C'est ça. Let's go. Allez-y, là. Sors ta chemise à lacet. Si ça te prend des jeans... Ouais, c'est ça. Pas de zip, là, tu sais, comme un lacet, là. De cuir. T'as ces jeans avec une corde. Si t'es tanné que les jeux d'équipe à multijoueur, ce soit de first-person shooter, ben ça, c'est différent. Ouais, exact. Moi, tu es un third-person, je l'ai pas mentionné parce qu'on a vu les images, mais c'est Mais c'est surtout le fait que aussi le combat est nécessairement de proche comparé à des first-person shooters où tout le monde s'attire de loin. Ouais, moi, j'irais même jusqu'à dire que si à un moment donné, vous avez aimé Soul Calibur, il n'y a pas toute la profondeur d'un Soul Calibur, mais il y a certains éléments là, que moi, j'ai dit « Ah ouais, OK, cool. » Ouais. Mais moi-même, ça m'a fait penser aussi juste quand j'ai vu des images où... tu sais, le jeu iOS là, que tout le monde capote, là, Chair, je pense. Ah, tu fais juste flasher. Ouais. Mais tu sais, l'angle de vue et tout ça, c'est sensiblement la même chose. Infinity Blade. Ouais. T'as raison, mais... Tu sais, ça me fait penser à ce genre de jeu-là aussi. C'est là. Beaucoup plus dynamique. C'est beaucoup mieux quand même. Bon, ça, c'est un jeu iOS. Ils ont juste passé 4 ans à le faire. Non, mais il est bon, Infinity Blade, mais ça, c'est une autre game. C'est incomparable. C'est une autre game. Donc, Mario, toi? Mario, as-tu essayé? Je vous parle de Fire Emblem Heroes. Ouais. Si on compte pas Pokémon Go, c'est le troisième jeu mobile de Nintendo. Il y a eu Miitomo, Super Mario Run, puis là, c'est Fire Emblem Heroes. Donc, moi, je suis devenu quand même un grand fan de la série. Je l'ai découvert avec Awakening au 3DS, puis après ça, j'ai joué à Fates. Et là, j'ai comme l'intention d'essayer les jeux plus anciens dans la série, puis les nouveaux qui s'en viennent. Donc, j'avais hâte de voir Fire Emblem Heroes. Donc, c'est vraiment la franchise Fire Emblem. C'est les mêmes développeurs, Intelligent Systems. Puis, mais adapter un modèle de jeu free-to-play. Puis là, ça fait peur parce qu'on dit « Ah, ça va diluer la franchise. » Et finalement, non. Donc, oui, tu sais, il y a des microtransactions et tout. Oui, le jeu est vraiment plus simple que les versions 3DS et autres de la série. Mais je trouve que c'est parfait pour jouer sur un téléphone, tu sais. T'sais, le gameplay, bon, c'est le gameplay classique où est-ce que tu vois d'en haut, tu vois tes personnages, tu es dans une map. La différence, c'est que les maps sont pas plus grandes que l'écran de ton cellulaire. Donc, tu peux pas te promener beaucoup. C'est des games rapides, généralement 4 contre 4 personnages contre 4 personnages. Tu choisis tes personnages, tu fais ton équipe. Une des denrées les plus importantes dans le jeu, c'est des orbs. Et ces orbes-là servent à summoner des personnages. Puis là, ça va summoner des personnages au hasard de toute la série, genre. Puis il y en a qui sont plus forts que d'autres pas. Il y a les différentes classes, etc. Donc, c'est ça qui peut te faire pousser à dépenser pour le jeu. C'est que, tu veux summoner tel personnage. Puis il y a un certain pourcentage de drop. Puis tu l'as pas. Mais ça, c'est classique de pas mal tous les free-to-play là, avec des cartes. C'est un peu le modèle établi. Donc, c'est ça. Ils ont vraiment repris un modèle établi, mais avec la qualité de la franchise Fire Emblem. Donc, l'histoire, bon, tu sais, c'est une histoire un petit peu faite exprès pour justement expliquer ça. Il y a comme une faction qui sont capables d'aller dans différents mondes. Et donc, d'envahir les différents mondes des différents jeux Fire Emblem et de subjuguer les différents personnages, les différents héros de ces mondes-là. Puis là, tu dois les combattre et les libérer. Donc, c'est pas très poussé comme histoire. Là, t'sais, même entre les missions, il y a très peu de dialogue. Donc, un truc important qui me manque par rapport à la série régulière, c'est le fait de développer des affinités et des relations entre les personnages. Ouais. Ça, c'est très important dans les autres Fire Emblem. Les personnages deviennent plus forts s'ils développent des affinités, puis si tu les mets ensemble, si tu les fais combattre ensemble. Ouais. Là, il n'y a pas ça là. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont rajouter plus tard, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment c'est du grinding, puis tu upgrades tes personnages. Donc, il y a l'histoire. Pour l'instant, il y a 9 chapitres à l'histoire. Puis tu as aussi des special maps qui changent à toutes les semaines ou des fois à tous les 2-3 jours. Où est-ce que là, tu peux faire des maps spéciales qui vont te faire unlocker des personnages en particulier. Chaque mission, il y a différents niveaux de difficulté. Il y a régulier, difficile et lunatique. Et lunatique. Ouais, lui, là. Donc, c'est vraiment pour donner du replay value. Ouais. Ou pour t'insulter. Ouais. Tu as des training missions de différents niveaux où est-ce que c'est pas tout le temps la même map. Tu as avancé ta game pas mal, puis tous tes personnages sont level 20. Puis là, tu summons un personnage, puis t'es comme « Yes! Finalement, tu sais, le personnage que je voulais. » Sauf que là, il est level 1, tu sais. Ouais. Là, tu seras pas capable de continuer l'histoire avec lui. Ça fait que là, tu peux aller refaire autant que tu veux des missions de training, des missions spéciales, etc. Il y a tout autant du contenu qui se rajoute, des missions spéciales, qui changent à toutes les semaines. Mais toi, puis, as-tu dépensé, justement, pour ce moi, jeu? À date, j'ai pas dépensé une scène, puis j'ai du fun. OK. Puis j'ai presque... Je suis rendu au chapitre... Je pense que je viens de terminer le chapitre 8 de l'histoire. OK. Je sais pas, probablement qu'ils vont rajouter des chapitres. Mais à l'histoire qu'est-ce qui ferait... Chapitre 5 et 0 sous. Mais qu'est-ce qui ferait que tu sentirais le besoin de dépenser? Ben, mon amour pour Camilla. Oui. OK, juste pour avoir des nouveaux personnages. Ouais, parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment, vraiment plus forts que d'autres. OK. Mais ceux qui sont plus forts, leur drop rate est plus bas, le pourcentage que tu puisses les summoner. Donc... Tu sais, plus tu summons, plus tu as de chances que tu vas l'avoir. Donc, tu veux acheter des orbs pour pouvoir les summoner. Puis, as-tu un timer sur ton temps de jeu ou quelque chose? T'as un stamina. OK. À date, ça m'a jamais arrivé que mon stamina soit à zéro puis que je fasse un... Ouais, mais tout est bon, là. Non, quelqu'un qui est pas bon. Moi, j'ai déjà joué d'autres jeux. On s'adresse à tous les pas bons qui nous écoutent. D'autres jeux de cartes free-to-play. Où dans leur game, c'était de dire, ben là, t'as plus de stamina pour la journée, il faudrait que t'en rajettes. Mais Fire Emblem, là, dans des sessions normales de jeu, là, je me suis pas senti limité là-dedans. OK, Mario, je me suis pas senti limité. Puis des fois, tu sais, je joue juste comme peut-être une heure. Ouais. Puis là, quelques heures après, j'ai un pop-up qui dit, ton stamina est restored. Ouais. Ça fait que c'est. Je pense que là-dedans, il y a la main de Nintendo un peu de dire, oui, on va prendre un modèle free-to-play, mais on va pas. On va pas aliéner nos fans. Ça ressemble plus à un outil de promotion pour acheter, dépenser sur la série principale? Je pense que oui. Je pense que d'après moi, c'est comme ça que Nintendo voit ça. Mais je trouve qu'il y a quand même la qualité Nintendo. Ouais. Super Mario Run, il y a la qualité Nintendo. Ouais. Puis je trouve que The Fire Emblem Heroes, il y a la qualité Nintendo. Ça a été adapté intelligemment pour les téléphones mobiles. Ben mettons là, j'ai un ami qui est un noob dans Fire Emblem. Ben en fait, c'est parfait pour les noobs. Ouais, justement, ça parce serait que une bonne façon c'est de vraiment, commencer. C'est moins difficile que les vrais jeux. Mais c'est pas un autre jeu là. Si je m'en vais dans le système de combat de Fire Emblem sur 3DS, je vais retrouver sensiblement la même chose. C'est plus simple, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Tu pourrais appeler ça n'importe comment, jeu là. Puis light. Ça non. C'est une version light. Ouais. On va le voir demain. Parce que t'as pas autant de customisation. Tu choisis pas les armes de tes personnages. Tu peux débarrer des skills pour tes personnages, mais c'est une liste préétablie. C'est comme choisi pour toi déjà. Ouais. Donc c'est vraiment. C'est plus rapide. Okay. C'est vraiment plus. T'embarques dans le jeu puis tu fais une petite game rapide. Okay. Tu passes pas du temps, énormément de temps dans les menus. Tu peux upgrader ton château. Ouais. Ce qui fait que tu as plus d'XP pendant les combats. Ouais. Tu peux faire leveler plus rapidement tes personnages avec des cristaux que tu gagnes ou que tu peux acheter aussi. Ça me parle. Tu peux. C'est cool. Les personnages ont un rating d'étoiles de 1 à 5. Puis des couleurs. Ouais. Puis, tu peux avoir différentes copies du même personnage, mais il y en a un qui est plus fort. Puis là, tu peux les merger pour mettre ensemble leurs statistiques. Okay. Donc, il y a plein de petites affaires comme ça qui sont le fun, qui te font upgrader tes personnages. Mais il n'y a pas la customisation aussi poussée que dans la vraie série. Okay. Mais moi, je trouve que c'est parfait. T'sais, j'ai pas envie de gosser dans les menus sur mon téléphone mobile puis que ça gruge mes batteries. Donc, je lui donne la note de 4 sur 5. Ouais. C'est très bon ça pour un free-to-play. C'est un excellent jeu free-to-play. Tous les jeux sont 4 en montant en soir. Man. Grosse soirée. Ouais, c'est un super jeu, honnêtement. Ouais. Donc, si vous aimez la série, go. Ouais. Même là, pour découvrir la série. Absolument. Idéal. Ah ouais. Ça d'ailleurs, j'ai juste un petit aparté. Là, ça arrive que des gens disent comme, ben là, vous donnez tout le temps des bonnes notes. Mais on donne tout le temps des bonnes notes. Mais dans le fond, quand on veut s'investir dans un jeu puis on veut s'y intéresser la plupart du temps, ben on s'informe un peu avant puis on choisit nos jeux en conséquence. Ouais, t'sais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à mettre sur des c'est jeux. C'est ça, poches, exact. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura jamais deux tant que ça, à moins que ce soit très court. Cool, ouais. Une autre explication logique, c'est que c'est pas tous les codes qui nous sont fournis par les développeurs. Fait que des fois, on a payé le jeu de notre poche actuellement. J'aime ça acheter un jeu que ça me tente de jouer. Donc ça explique un peu. T'sais, on est un média indépendant. Exact. Il n'y a pas un boss au-dessus nous autres qui dit il faut absolument couvrir ce jeu-là, puis qu'on est Chris, ça a l'air de la marde, mais il faut qu'on le fasse. Exact. Ouais, donc, on choisit un peu les jeux que ça nous tombe aussi. T'sais. Les jeux poches passent dans les let's play. C'est ça. C'est là qu'ils font fureur, man. Ton jeu de tranche de pain. Allez voir ça. I Am Bread fait ça en fin de semaine, un excellent jeu pour vrai, malgré tout. Là, des sommets inégalés dans l'histoire. Ben, le jeu qui prouve que c'est le gameplay par-dessus l'emballage du vraiment, jeu. Vraiment. Ouais. Parce que j'ai eu vraiment du fun à ce jeu-là. C'est allez checker ça. Je pense qu'on est des gamers positifs, je pense. Ouais. Oui, aussi. Oh, on est très positifs. On aime la vie. Ouais. On est comme ça, chialer pour rire. Mais pas chialer lourdement. Non. On n'est pas ça. Chialer lourdement. Mais c'est jamais sérieux, là. Et non. On veut que vous souriez en écoutant le podcast. Ben oui. Ouais. Parce que, il y a tellement de mauvaises choses. Trump feel aux good États-Unis. Podcast. Ah, exactement. Feel good gaming aussi. Oubliez tout ce qui se passe au bord de la frontière. C'est rétro nouveau. C'est une journée de merde présentement. Souris, mon gars. Il y a toujours les jeux vidéo. Oui, exactement. C'est bien dit, ça. Oublie la dure réalité de la vie. Ouais. Lance-toi dans l'évasion totale. Embarque dans le jeu vidéo. Tu travailles pas avant demain. Prends ça chill, man. Attention, Lise de la Ravary nous écoute et va écrire un article de merde dans le corps. Ah, ouais, on va partir là-dessus. On est tous malades mentales. Ah, les crélises. Ouais, c'est des montées de LED boomer, là, c'est. Donc, on va aller faire une petite pause. Yes. On revient après avec une belle discussion pour vous. Oh, oh yes. Salut! Salut! Salut! j'ai réécouté Troll en fin de semaine. En français. Et Seb, il l'a écouté aussi chez eux, puis il m'a envoyé la même séquence. À un moment donné, ils reprennent la toune de Song of Silence. Puis là, il y a une petite araignée qui descend sur le bord de la tête d'un des personnages, puis elle dit « Salut! » Ah, c'est que c'est drôle, man! Juste une petite araignée. La voix, là, en français, cette séquence-là, là, de rire, c'est-tu. Meilleur bout du film de tout. Ah, j'ai capoté. Salut! Seb avec, il me l'a envoyé tout de suite quand il a vu ça. On a connecté, Troll 1 ou 2? Le film Trolls. Ouais. Ah, ok, non, excuse. Non, je sais pas pourquoi, j'avais le film d'horreur dans la tête, ouais. Ah, boy! Hein? Il y a un film d'horreur de Trolls. Le Trolls 2, c'est le pire film d'horreur de tous les temps. Mais c'est comme le pire film de série B tous les temps. Ouais, c'est ça. La face du gars. They eat her! And then they're gonna eat me! Oh my god! Attends, je vais la ressortir. Fait que. Ah, ouais, Trolls, c'est bon, hein, Chris. Annonce. Ouais, fait que c'est ça. Fait que la discussion. Cette semaine, c'est un sujet qui nous a été proposé par Simon Lahaye. Simon Lahaye. On va aller marcher sur Lahaye. OK, attendez une seconde. OK, vas-y. C'est pas ma radio. Oh, attention. Attends, c'est pas, je vais baisser. Faut-tu que je mette... Enlève la musique. Vas-y. Regardez le bas. Ah, oh, c'est excellent, ça. C'était carré, ce film-là. C'est bon, là. C'est bon, ce petit bout-là. Salut. OK, fait que Simon Lahaye, il nous demandait « J'aimerais vous entendre à propos de la question hardcore versus casual gaming. C'est peut-être un faux débat ou peut-être aussi un sujet possible de table ronde. » Eh bien oui, on va parler de hardcore versus casual. En fait, Simon, d'ailleurs, il parlait des... Sous quel angle, là? Qu'est-ce que... Ben, lui, il disait, entre autres, tu sais, ceux-là qui... Christy, c'était quoi son angle? Il avait donné plein d'angles. Puis je m'en souviens pas parce que j'ai plus son email dans ma face. Mais allez voir si je le lirai pas, ça. Là. Ouais, mais moi, je me souviens. Je peux commencer avec un point, en fait. Il avait mis un point par rapport à toi par aussi. Par rapport à Street Fighter V. Oui, c'est ça. Tout de suite. Puis il y avait d'autres exemples aussi. Il demandait si l'ajout du arcade mode dans Street Fighter V aurait probablement augmenté sa popularité. Oui. Donc, pour rappeler, c'est quoi? Street Fighter V est sorti il y a maintenant un an. Puis, il n'y avait pas d'arcade mode. Et il n'y a toujours pas d'arcade mode à ce jour. Oui. Puis, ce qui s'est passé, ça n'a pas été super bien reçu globalement. Au niveau des fans, en général, tout le monde a blâmé au début l'arcade mode. Le monde en parle encore aujourd'hui. Puis, dans la vraie vie, tu joues pas tant que ça là, en 2016-2017 ouais. à Arcade Mode. Là, tu vas jouer en ligne contre des gens. Mais ça a fait tellement de bruit. Il a fallu gérer ça au niveau des médias sociaux, comme quoi le jeu est incomplet. T'sais. Il manquait plein d'affaires dans le jeu. Le Story Mode était pas là, qui pour moi est un peu plus important que l'Arcade Mode. Mais ça, là, dans le fond, je pense que ça a été une erreur tactique parce que ton casual gamer qui achète des jeux beaucoup par souvenir et nostalgie veut retrouver une expérience facile qu'il connaît, tu sais. Ouais. Cet aspect-là là, a coupé, je te dirais, plusieurs ventes là, de personnes là, que typiques. Là, du casual gamer qui a du cash, il achète le jeu, il joue 5 heures max puis il ne retouche plus jamais. Mais il a acheté ton jeu, tu sais. Ça fait des copies vendues. Mais c'est quoi la différence entre le story mode et l'arcade mode? Ben, l'arcade mode, c'est vraiment juste une séquence de combat qui t'amène à faire un combat final. Puis là, dans le fond, tu as un genre d'histoire. Puis au fil des années, ils avaient rajouté des histoires au travers de l'arcade mode. Tandis que le story mode qu'ils ont donné, c'est plus ultra narratif. T'sais. Tes combats, c'est même pas des 2-3, c'est comme un combat. Quand tu le gagnes, tu passes au travers. Ah ouais, okay. C'est comme si le combat est un passage obligé pour entendre l'histoire. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment assez différent. Moi, j'aurais aimé avoir les deux ou le faire dans un format plus classique arcade mode pour donner le feeling d'autres fois. Mais je pense que ça, quand tu te mets les casual un peu nostalgiques à dos, tu vas perdre. Ils vont pas acheter le 6. Non, c'est ça. Ouais. Ils sont fait fourrer une fois avec un jeu qu'ils sont obligés d'aller jouer contre du monde et se faire péter à rien sur Internet. Ils vont pas rejouer. Ouais. Là, fait que c'est ça la balance. Puis Forerunner, c'est un super exemple de tout ça, en fait. Parce que Forerunner, là, c'est ultra, je dirais, multijoueur. Par contre, il y a un single player, c'est à peu près 6 heures, mais quand même, l'histoire, c'est bien correct, c'est amusant. Mais ça, là, c'est vraiment pour aller taper là, dans, je disais, 5 heures tantôt. Ouais. Là, mais tu sais, c'est un pool de casual-là qui a du cash. Ce n'est pas des casual étudiants. Là, c'est du monde qui ont des professions. Puis tu sais, le week-end, ils ont le choix d'aller au cinéma. Mais tu sais, moi, justement, c'est job. Tu peux des foreurs, là, pour. Foreurs. Tu peux parler de. Ben, t'es fort. C'est plus mineur, en fait. Ah, ouais, okay. Quand t'es foreur... c'est vrai, c'est le cas dans foreur, c'est dans l'eau. Hein? Ouais, c'est ça, le pétrole. Ouais. Exact. Donc, en mais cas, c'est ça, moi, je ferais un parallèle avec, justement, Horizon Zero Dawn. Tu sais, il y a une affaire qui... Ils ont fait un choix, en fait, parce que t'as comme beaucoup de ressources que tu ramasses, mais au final, tu la gères. T'y gères pas tant que ça. Ils ont laissé de côté ce côté-là pour faire comme nous autres. On va se concentrer sur le fait que tu veux rentrer dans le jeu, tu veux que ça soit pas compliqué. Puis il y a des niveaux de complexité au jeu, mais c'est plus sur une valeur d'action qu'une valeur de management, en fait. T'as comme moins de management que d'action. Puis ils ont fait ça, en fait, pour accueillir un plus grand public. Puis peut-être aussi pour ramener des gens qui vont pas triper sur un action RPG classique, mais qui vont plus aimer la formule Zelda, justement. Parce que Zelda, c'est, tu sais, ton démographique est énorme. Là, ton public cible, il va du gamer qui commence à jouer aux vétérans. Puis moi, je pense qu'elle a la ligne aussi. C'est le fun quand un jeu arrive à plaire aux deux cases, mais c'est pas évident non plus. Là. Mais moi, j'aime ça quand on... pas dumb down, c'est un peu mal dit, là, mais tu sais, j'aime ça quand on baisse un peu le niveau de complexité d'un jeu. Si ça devient intuitif, puis que tu sens pas que on te prend pour un imbécile quand tu y joues, c'est le fun. T'sais, c'est quelque chose que Nintendo réussit très bien d'ailleurs. Tout est intuitif chez Nintendo. T'as pas vraiment besoin d'un tutoriel. Puis ça, d'après moi, c'est intelligent. D'ailleurs, la base du jeu vidéo, puis le meilleur exemple, c'est Super Mario Bros. 1 où t'avais le tutoriel, c'est les premières 10 secondes du jeu dans le premier niveau où il te montre exactement tout ce qu'il faut que tu fasses. Puis après ces 10 secondes-là, tu sais quoi faire. T'as pas besoin de personne qui te tient par la main. Ouais. Puis pourtant, ça peut être un jeu qui plaît autant au hardcore qu'au casual. Fait que moi, je pense qu'il est là le nerf de la guerre. Faut que tu plaises aux deux parties. Là. Tu peux pas plaire juste à un. Parce que les hardcore, c'est pas une si grosse part de marché. Exact. Mais c'est ça, parce que moi, je pense, si tu vas dans le triple A moderne, dans le fond, t'as pas le choix. T'as des chiffres à faire. T'as des gars de finance qui disent « Ouais, tu sais, dans le fond, tu dois vendre entre 4 millions puis 10 millions de copies, tu sais. » Tu peux pas faire ça en étant hardcore, là, parce qu'il y a pas un pool d'hardcore gamers qui existe tant que ça. Tu vas c'est dans tout, hein. Tu sais, moi, mon bar, là, j'aimerais bien ça, juste mettre des Atari dedans, puis de la bière hyper chère, des microbrasseries, ben hyper bonne, mais c'est trop niche. Exact. C'est trop pointu. Tout à fait. Puis je ferai pas d'argent. Ben, mais c'est ça. Faut que je laisse aller des choses. Tu sais, les seuls qui peuvent se permettre d'y aller pour full hardcore, c'est des indies. Tu sais, ils vont aller du VVVV, Super Meat Boy, tu sais. Exact. Tu sais, ça, c'est du gros hardcore niche. Mais c'est niche, mais c'est quand même. C'est 1 à 5 gars. C'est explorateur un peu. Exact. 1 à 5 gars dans un sous-sol, tu sais, puis ils ont moins de coûts fixes, là. Mais quand t'arrives avec des triples A, là, c'est plus vraiment un débat dans un sens. Là, il faut que tu fasses la bonne balance, tu sais. Un jeu que je pense qui a vraiment réussi la bonne balance, c'est Overwatch. Overwatch, tu sais, tu joues à ça, il y a quand même un volet intéressant pour les casuals. C'est cute, les contrôles ne sont pas si difficiles à pogner. Mais c'est quelque chose que Blizzard maîtrise. Ouais, ben oui, tout à fait. Dans Hearthstone, c'est ça aussi. T'sais. Ben, tous leurs jeux, tu sais, même affaire, tu regardes les Warcraft, Starcraft, il y a toujours une expérience casual possible pour aller vendre des copies, mais ce qu'ils ont compris aussi, c'est que ta communauté, tu sais, t'en as des hardcore, des niches. Faut pas que tu leur fasses de la peine non plus en coupant trop dans le gras. Le monde qui vont à ton Blitzcon, là, ils ont acheté toutes tes affaires, ils ont tes jeux tatoués sur le corps. Ils ont tous leurs vêtements, c'est des sous-produits dérivés de tes affaires. Ces gars-là, tu peux pas les oublier non plus. Ça, fait que c'est vraiment une bonne balance. C'est plus autant un débat. T'sais. L'autre affaire que je pense, là où c'est intéressant de voir... c'est le mobile en tant que tel, tu sais. Le mobile, là, il est vraiment, là, il y a une étiquette casual là-dessus, tu sais. Ah oui. Je vois pas vraiment le jour où on va arriver avec du gros hardcore. Peut-être un ou deux. Mais ça arrivera pas parce qu'on a pas de contrôle précis, en fait. Puis il y a des jeux qui le font bien quand même parce que moi, à mon avis, même Mario Run a la possibilité d'être un jeu hardcore. T'sais. Ouais, il aurait pu. Vers les derniers niveaux, là, ça devient extrêmement complexe. Puis même si tu veux devenir meilleur pour avoir des perfect runs, tu dois être un hardcore gamer, même sur un mobile. Je pense qu'ils ont sorti un nouveau mode. Oui, ils ont sorti un hard mode en plus. Easy, c'est vrai. Ouais. C'est Easy qu'ils ont sorti. Ouais. Fait que quand même, t'sais, ça prouve un point. Mais tu sais, Simon aussi mentionnait, tu sais, l'avenue du motion control puis de la Kinect puis de ces affaires-là, tu sais, qui sert un peu à démocratiser le jeu vidéo pour les gens qui jouent pas vraiment, tu sais. Ben, c'est toutes des bonnes choses. Oui. C'est des avenues qui ont été imaginées et explorées. Et ils ont mis de l'argent là-dedans, puis ça a marché. Ben, c'est comme dans le rétro, le Virtual Boy, c'était ça aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, sauf que ça a marché quand même. Exact. Ils ont vendu beaucoup. Ouais. D'ailleurs, t'as une belle casquette Wii ce soir. Ben oui. C'est vraiment nice. On la voit ici à l'écran. Parfaite pour le golf. Ben ouais. Mario Golf, oui. Sport, ou... Ouais, c'est ça. Puis tout ça, c'est bien correct, là, tu sais. Puis je trouve que ça attire plus de monde vers les jeux vidéo. Puis ça en fait moins une affaire de geek pointu, apparente, là. Ouais. Comme Madame Lavary. Lise Ravary. Lise Ravary. Mais tu sais, au fond, je pense que de voir ça comme... Ça démocratise le jeu. Une dichotomie casual versus hardcore. Tu sais, je pense que le terme casual, c'est les hardcore qui ont inventé ça comme un terme un peu péjoratif. Exact. Ouais, nous autres on est hardcore, puis les autres sont casual. Exact. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo est arrivé dans le mainstream, tu sais. Oui. Où est-ce que le jeu vidéo, d'abord, s'adressait aux fans de jeux vidéo. Puis pour maintenant... ceux-là qui en doutent, allez jouer à l'intellivision aujourd'hui. Vraiment que t'aimes les jeux vidéo. Alors qu'aujourd'hui, le jeu vidéo a atteint un petit peu la même chose que le cinéma a atteint. T'sais, le cinéma, d'abord, ça s'adressait aux gens qui voulaient cette expérience-là spécifique, puis aux cinéphiles. Puis aujourd'hui, ben aller au cinéma, c'est pas... t'es pas nécessairement un cinéphile si non. Tu vas au cinéma. Tu vas au cinéma parce que c'est une activité comme un autre. Ouais. Si tu y réfléchis même pas. C'est juste, on loue un film, on exact. Va au cinéma. Ouais. Puis jouer à des jeux vidéo maintenant, ben c'est rendu là. Ouais. Où est-ce que tu downloads en juste ton cellulaire, puis jamais que tu dis dans ta tête, ah, je suis un gamer. Non, c'est juste, c'est une activité qui est arrivée dans le mainstream, puis que... puis qui atteint différentes plateformes, puis qui va chercher toutes sortes de gens, puis ça n'a aucun rapport avec le fait d'être casual ou hardcore. Là, c'est juste le média qui arrive dans une nouvelle étape de son existence. Mais le marché a changé, surtout. Ouais. Si tu penses, entre autres, moi, je trouve que la phrase que tu vois quand tu ouvres Final Fantasy XV prouve ça, que le marché a changé. Ça dit justement que c'est un jeu qui a été fait par des fans de Final Fantasy, pour les fans de Final Fantasy, mais c'est un nouveau genre de Final Fantasy pour les nouveaux venus et ceux qui connaissent la franchise. Puis... ouais, pour intégrer le plus de monde possible. Exact. Puis même Resident Evil, le dernier qui est sorti, c'est un peu ça aussi. On essaie d'attraper un nouveau public parce que veut pas, le cellulaire a un peu pas tué le jeu vidéo, mais l'a ralenti ou il a mis des bâtons dans les roues dans le sens que tu peux pas juste être hardcore comme avant, dans le sens que avant, tu veux dire que toi tu joues dans le boss, tu vas jouer casual. Ben je pense que certaines personnes, puis moi pour avoir parlé déjà à une personne, ça m'avait mis la gueule à terre, mais je me dis il doit bien avoir plus qu'un qui m'avait dit ben moi depuis que j'ai mon téléphone, je vois plus vraiment l'intérêt de m'acheter une console de jeu. Ouais. Parce que eux autres, le fixe qu'ils ont besoin, leurs 15 minutes de jeu vidéo qu'ils ont besoin, ils vont aller le chercher là-dessus, puis ils vont arrêter après. Mais ça, on pourrait argumenter que ça, c'est plus casual dans un sens. T'sais, ça a démocratisé, puis aujourd'hui, quand tu vas dans le métro, t'sais, pis ça, c'est pas une blague. Là. Moi, je le prends tous les jours, le métro. Puis plus grand monde joue encore à Candy Crush, mais c'est des femmes dans 50, 60 ans. Ouais. C'est la démographie qui a complètement changé. Ouais. Des gens qui ont probablement aucune console, puis les seules consoles qu'ils ont achetées, c'était pour leurs enfants. Ils jouent à ça, tu sais. Mais ces deux populations, moi, pour moi, ils existent... c'est comme un continuum, là, tu sais, t'es quelque part là-dessus. Là. Tu peux être ultra casual comme la madame de 60 ans qui joue à son Candy Crush ou ultra hardcore, tu sais, mettons, on va dire le Street Fighter, les gars qui comptent les frames, là, comme. Moi, je regarde un peu du frame data, là, tu sais, je sais pas, puis il y a pire que moi, là, ceux qui s'entraînent pour faire des tournois, mais tu sais, il y a quand même un continuum, tu sais, fait que t'es quelque part là-dessus. Ben, tu sais, il y aurait possiblement, on pourrait trouver 5 autres noms d'affaires entre les deux, là, tu sais. Un medium rare, là, tu sais, comme. C'est un peu hardcore, mais pas trop. Tu peux jouer à un jeu casual puis avoir dépensé 200 pièces dessus, tu sais, aussi. T'sais. Ah, il y a ça aussi, tu sais. Parce que sinon, ce modèle d'affaires-là, il pourrait pas exister. Il existe sous le fait qu'il y a peut-être sur 20 joueurs, il y en a 19 qui vont pas dépenser une scène, mais il y en a un qui va dépenser 500$, puis c'est là-dessus qu'ils font. Le concept des baleines, qu'on appelle. Dans le fond, t'as un gros pool de monde, t'as des petits poissons, des médiums poissons, mais tous ces jeux-là en ligne, là, ils font l'argent avec ce qu'ils appellent les baleines. Ouais. C'est du monde, hein, genre 10% de ta population qui font 90% de tes revenus. Mm-hmm. Puis, tu sais, eux autres, ils accrochent. Fait quoi, t'as raison, tu sais. Jusqu'à... c'est un jeu casual, mais là, le monde, ils vont à fond. Fait que tu peux quasiment donner hardcore. Il devient hardcore. Jeu... ouais, c'est ça. D'un jeu casual, tu sais. C'est le hardcore des casual. Ouais, c'est ça. C'est Doritos épicé, man. Exact. Toi, ça a fait ça avec toi pour Pokémon, entre autres. Ouais, t'sais, t'as commencé, t'étais comme bon, ouais, ben, c'est comme ça, c'est le fun. Il y a des nouveaux Pokémon, là. Ben, 80 nouveaux Pokémon. Je sais, man, j'ai commencé à ramasser le screening, là. le screening du métro Frontenac, là. Les hosties d'araignées, puis les cochonneries. Mais c'est devenu une véritable obsession. Je pense que quand ça devient une obsession, c'est plus casual, à mon avis, là. Ouais. Quand ça devient quelque chose que t'es comme, faut que t'ouvres ton téléphone, faut que t'ouvres ta machine à tous les jours pour le regarder. pour moi, ça aussi, c'était quelque chose de hardcore, tu sais. Ouais. C'est qu'au final, tu sais, c'est pas le temps le jeu qui va définir si c'est casual ou hardcore, c'est ouais. plus tes habitudes de joueur. Puis que tu peux être hardcore sur Candy Crush, tu sais. Puis c'est vrai. Tu peux autant perdre ta vie, puis lâcher tes amis. Ouais, ouais tout perdre. Candy Crush que World of Warcraft. Candy Crush, c'est vraiment la tête de turc des jeux vidéo, man. Ben, tu sais, je pense que ça leur dérange pas vraiment. Non, tout ce monde-là, man, ils se couchent le soir, ils sont morts de rire comme un cardo. Ouais, King, contre ils appartiennent à Activision maintenant, fait que tu sais, ils ont fait encore plus de cash en vendant ça. King. Ouais, plus ouais, de ouais. cash. Eh oui. Ben, ils ont vendu, puis là, ils sont sûrement acheté une île déserte avec ça. Exact. Ils vivent ouais. dessus, puis... J'aimerais savoir du cash demain. Ils vont sauter d'un sou comme Picsou, là, quand tu faisais la belle référence. Ouais, ouais totalement. Ouais. Mais c'est intéressant, parce que vraiment, là, tu sais, aujourd'hui, là, mettons que t'es un développeur, là. Ouais. Tu sors un jeu, on va dire un triple A, tu sais. Tu peux pas ignorer les deux, tu sais. Ouais. Ton hardcore, t'espères qu'il va devenir accro, qu'il va se donner à fond des microtransactions. Puis ton casual, tu veux qu'il l'achète pour le mettre sur ses tablettes. Parce que tu veux vendre tes copies. Ça fait que là, tu fais un ouais. Assassin's Creed, puis t'en fais plein. Ouais, ça, c'est. Là, quand tu. Quand t'en fais trop, mané, tu risques de. Ben, non, mais c'est semi, là. C'est semi. Semi heure. Ça fait les deux, ça, Assassin's ah, Creed. Ah ouais, ben, tout à fait. C'est un bon mais, exemple. Ouais. C'est un bon exemple, mais là, ils en ont fait beaucoup. Mais tu sais, je pense qu'il faut striker la balance. Là, ouais. Tu peux malheureusement plus ignorer un ou l'autre. Mais tu peux toujours dire, moi, je m'en vais full casual. Ça, c'est clair. Parce que le pool ouais. de monde est là. Ouais. Aller full hardcore, c'est risqué. Tu sais, mais Counter-Strike le fait dans comme un sens... comme aller full retard. Never go full retard. Personne Never go full retard. Mais tu sais, comme Counter-Strike, quand ils ont sorti Counter-Strike Go, ouais. c'était quand même un produit niche qui était vraiment axé pour le monde qui ont déjà joué à Counter-Strike. Tu joues à ça... Mais l'interface a jamais été super bon. Tu connaissais parce que tu avais déjà joué dans les autres versions. Ouais. Puis ils s'adressaient à eux. Ils ont dit, nous autres, on veut devenir e-sport. Ouais. C'était ouais. ça leur but. Ça, parce que là, il y en a qui réussissent à faire des jeux vraiment hardcore et niche, mais ils doivent vraiment miser sur la communauté. Ils doivent miser ouais. sur Twitch. Ils doivent ouais. miser sur le fait qu'ils vont se retrouver dans des événements des e-sports, que des YouTubers vont embarquer là-dedans puis ils vont faire des let's play. Donc, il y a manière, tu sais, de faire des jeux ultra comme niche hardcore, mais ouais. il faut vraiment que tu penses ton jeu autrement que juste comme vendre des copies. Mais ces développeurs-là, ils écoutent les fans la plupart du temps, tu sais, puis ils sont tout le temps sur les boards, puis ils sont tout le temps en train d'écouter. Puis être sur Twitch pendant le développement, ouais. faire des bêtas, puis... T'as raison. Ouais. Puis c'est bien plus de travail s'adresser au hardcore, tu sais, parce que ton ouais. casual, ah, il est là, il est dans son divan. Ils sont chialeux quand même. Il est dans le divan ou dans l'autobus. Là. Hey, quel faux débat, là. Ah, c'est ça, le achète les pommes. Le monde, ils ont capoté, là, comme « c'est-tu tabarnak du DLC pour un Zelda? » Ouais, c'est quoi, c'est pas un débat. Ta gueule, achète-le pas. Exact, that's it, ça finit là. C'est fini, c'est fini. Non, non, mais le gars, ça disait que le jeu n'était pas fini, dans le fond, fait ben qu'acheter ouais, à la là, fin les... du jeu. Mais non. Mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, le DLC, justement, c'est souvent, malheureusement, les hardcore qui capotent puis qui chialent contre ça. Puis, tu sais, j'écoutais l'excellent podcast Nintendo Voice Chat, puis il parlait de ça, justement, à quel point c'est en train de causer la cohue comme ça n'a pas de sens. Puis il disait, bizarrement, les gens n'ont pas de misère de se dire, ben on va acheter Super Mario Kart une deuxième fois pour la Switch. Mais par contre, même pas un esti DLC de 20$ sur un jeu que je viens d'acheter, c'est... C'est ça qui est absurde. Les gens sont comme prêts à acheter un jeu une deuxième fois, mais sont pas prêts à payer ouais. un DLC ou sont fâchés. Ils sont plus fâchés d'un DLC, je pense, qu'ils sont pas prêts Écoute, à l'acheter vraiment. Ça, c'est spécial parce que, tu sais, pour moi, un DLC, là, downloadable content classique, ouais. où tu rajoutes un volet à une histoire, ou encore, tu vas aller chercher des trucs cosmétiques comme un nouveau costume ouais. ou, tu sais, genre... Ouais. Ce qui marche bien, là, moi, ça m'écœure parce qu'à un moment donné, t'as fait le tour là, des costumes sexy de n'importe ouais. quoi. Surtout quand c'est des filles, comme come ouais. on, man. Y a plein de jeux, tous les jeux de combat en fait font juste des affaires trop sexy. Ouais. Ah, ouais, ouais. Donne-moi un saut d'hiver là, cool, là, un futuriste de pilote d'avion. Cammy, skidoo, un One Piece vintage de skidoo, là, ouais, c'est red, ça, là, orange et noir. Mais non, c'est pas ça qui vend. T'sais. Mais fait que les gens ont. Ça, c'est, pour moi, c'est une belle valeur de proposition. Ouais. Ce qui est tough, c'est de dire « Hey, man, t'aimes ça jouer en ligne avec mon jeu? » Ouais. Ouais. Ben, je te propose la Season Pass qui va te donner des tableaux que tout le monde va jouer, mais que toi, tu pourras pas jouer. Ouais. Fait que là, tu vas te ramasser d'un pool de matchmaking, du monde cheap, pis tu sais, il va te manquer l'expérience. Ouais. Ben, c'est ça qui se passe. Tu vas tranquillement devenir le GoBot du gamer. Exact. Non, mais sérieusement, mettons tu t'en vas en ligne. Tu as fait ton cheap pass là, sur un jeu qui a 4 DLC multijoueurs. Ouais. Ben, tu vas te matchmaker tout seul parce que exact. Les autres l'ont tout acheté. Fait que là, ça, c'est un peu plus de dire ben, je vais te forcer à acheter ça. Moi, j'aime ouais. mieux dire quand t'as paye, du contenu si tu additionnel. Veux faire partie de la gang. Ouais, mais ce que j'aime, c'est tu me donnes la map, puis tu sors des nouveaux suits. Puis je vais. Moi, ouais. comme gamer sympathique, je me dis hey, tu me donnes du stock. Je me sens mal, je vais t'acheter du stock. Ouais, ouais, ben ouais. Ouais. Puis, mais c'est pas ça vraiment, mais moi, je me dis, je fais un choix conscient de dire cool, la compagnie, elle me donne quelque chose, ben, il est beau, ce suit-là, ouais. je vais l'acheter. Ben ouais. Fait que là, je suis plus à l'aise d'acheter des affaires. Quand tu me donnes rien, un petit peu ouais. amer, tu te dis ah, tu m'as forcé à acheter ça, t'auras pas une autre scène de moi. Fait que, mais moi, je suis pas à l'aise quand tu viens d'acheter le jeu, puis là, on te dit achète le Season Pass tout de suite. Mais season moi, pass, pour moi, ça. C'est une assurance. Tu ouais. prends-tu l'assurance pour. Pour les gratigner tes CD chez non, les mais Big souvent, Games. Ouais, exactement. Mais tu sais, souvent, mettons, t'sais, tu joues à un jeu, tu sais, comme là, tu sais, Batman, ouais. le dernier Batman, tu sais, je l'ai fini, ça fait un bout de temps. Puis ce que je trouve le fun du DLC, c'est en fait, un moment donné, tu as fini, puis tu fais comme, hey, ça me tente de rejouer, mais ça me tente pas de refaire la même affaire. Fait que là, tu achètes le DLC par la suite, ça allonge le jeu, puis surtout, si tu l'as fini, ça veut dire qu'il vient pas de sortir. Puis que tu vas pouvoir payer probablement ton DLC moins cher. Même quand le monde chiale là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Le monde chiale. Le jeu est complet. Le jeu est pas complet. J'ai fait le jeu du début jusqu'à la fin. Je suis très heureux. Puis là, soudainement, 6 mois plus tard, je m'ennuie de ce jeu-là dans lequel j'ai eu du plaisir. Mutant Mods, mettons. Ouais. Puis là, hey, on te rajoute 20 niveaux pour 10$. Tabarnak. Immédiatement. Exact. Mais les gens, où le problème? Les gens se plaignent beaucoup sur le DLC Day One. Ouais. Parce qu'ils disent, ben, vous l'avez fait en même temps que le jeu, ça doit être. Ouais, c'est puis, ça. Ce qui est pire, il y a des développeurs. Ben, c'est vrai, en plus. Ouais. Mais non, pas vraiment. Ben, peut-être. D'habitude, c'est une équipe qui a fini, ils ramp up pour faire d'autres choses. T'sais. Mais des fois, ce qui a frustré le monde encore plus, c'est que quand c'est sur le disque, puis que ton DLC, c'est 52 kilobytes pour débarrer l'affaire. Là, là, ils ont raison de dire que t'sais, c'est dangereux. T'sais, Capcom a fait des erreurs dans le passé. Ouais. On s'entend que Nintendo, ils ont jamais fait ça à date. Non. Ils vont sûrement pas le faire pour Zelda. Ils ont tellement eu de la misère à finalement le sortir. Ouais. Que je pense pas qu'ils ont eu le temps de faire du contenu additionnel puis on va le mettre sur le CD puis on va le débarrer. Mais le pire là, c'est que moi je suis extrêmement satisfait quand c'est sur le CD parce que le download est pas long, je peux jouer tout de suite. Ouais, mais toi t'es une minorité, tu sais. Ouais, la plupart des gamers, minorité, tu sais, mettons nos amis les gamers amers, les autres là, ils capotent. Ouais, là, non, ils payaient pas puis tu sais, c'est leur argent. C'est leur taxe. Mes taxes, mes impôts. Mais tu sais, mais un jeu comme Zelda ou tu sais, moi je suis un gros fan la série des Elder Scrolls, puis tu sais, Aonuma, il l'a dit dans plusieurs entrevues que ça a été une grosse inspiration pour le nouveau Zelda. Mm-hmm. Moi, tu sais, tous les jeux des Elder Scrolls, ils ont eu plein d'expansions, tu sais. Ouais. De dire, ok, t'embarques dans une grosse aventure, puis ça va durer longtemps, puis on va te donner une vie de plus à cette aventure-là, tu sais, ça va vraiment valoir la peine. Ouais. Mais moi, ça me donne juste plus envie d'acheter le jeu parce que mais je oui. me dis, ben. Wow, c'est un bel investissement, ça va être une belle aventure, puis ça va continuer après, ça va pas se terminer. Le chat qui vient de rentrer. Le chat, ça fait deux fois qu'il rentre dans le studio. Le chat-là, clairement, il essaie de me faire mourir de plus. Mais on dirait que j'ai l'impression que le terme DLC qui ouais. est devenu comme un terme... connotation négative. Ouais, connotation. Parce qu'avant, on appelait ça une expansion, puis il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est raison. Ça fait longtemps que les jeux ils ont des expansions. Ouais, c'est mais pas en fait, Blizzard, ça, je pense que ça vient plus du monde du Star PC, puis les consoles, ils n'étaient pas prêts à ça. T'sais. C'était très PC, tu as raison, parce que tu rajoutais des modules. Puis... Mais tu sais, l'affaire, il y a des raisons pourquoi les développeurs vont continuer de le faire. Un Day One DLC, c'est extrêmement payant. Ouais. Ça joue sur un sentiment. Là. Connaissez-vous le FOMO? Non. Non. En anglais, c'est « fear of missing out ». Tu sais, t'achètes le jeu, il est là à côté de toi, puis tu te dis « hey, je vais manquer du contenu ». Tout d'un coup, je le finis, puis je sais pas quoi faire. Tu sais. Fait que là, le but, c'est, puis il y a beaucoup de gens qui vont agir comme ça, c'est d'acheter le contenu additionnel tout de suite. Ouais. Mais comme t'as dit Bruno ou Dom, quand tu l'achètes parce que t'as fini le jeu, tu t'ennuies, puis t'as le goût de le faire, tu sais, là, c'est un feeling très positif. Mais il y a bien du monde qui vont l'acheter de même. Puis ils joueront jamais, tu sais. Exact. Que, déjà, finir un jeu là, quand c'est 50-60 heures, c'est pas tout le monde qui va le faire. Puis là, le contenu additionnel, ben, tu vas-tu te lancer là-dedans, tu sais. Il y en a d'autres, des fois, comme, tu sais, je sais, BioWare, ben, ils intégraient ça à l'histoire principale. qui étaient secondaires. T'sais, c'est comme des side quests. Moi, j'aime bien cette approche-là. Ouais. Si tu l'as pas, il n'y a pas de trouble. Mais, si moi, j'étais super content dans Mass Effect 2 qu'il y ait la petite expansion avec Lyra, parce que Lyra était dans le premier, puis là, tu la voyais plus du deuxième, tu la voyais un petit peu. Ben, mais ça vient pallier à ça. Puis là, t'es comme « Yes! Ouais. Yes, je vais pouvoir Shadow jouer Broker, avec Lyra. » Ouais, ben tu sais, tu vois, ça, c'est le fun, tu sais. Mais il y a beaucoup de critiques, là. T'sais, à l'époque, moi, je m'occupais aussi de lire les trucs sur les forums quand le jeu est sorti. Je m'occupais juste de mon multiplayer, mais tu sais, c'était incroyable, là, la hargne envers un DLC Day One. Là, ouais. Ça va continuer encore aujourd'hui, mais tu sais, moi, comme, tant que c'est mais pas obligatoire... Mais c'est une minorité, on les entend plus parce qu'ils chialent, mais c'est une minorité. Mais de toute façon, t'as quand encore là, les gens qui chialent, ils chialent, mais ils l'ont acheté. Ouais, ils l'achètent pareil. Puis j'ai toujours en tête un scénariste que j'aime bien qui a travaillé pendant des années sur Star Trek. Puis il disait, à chaque épisode, on reçoit comme... du monde qui disait « Ah, le dernier épisode, c'est vraiment de la merde, je l'ai écouté 4 fois, là, puis ça marche pas. » C'est fait que, tu sais, souvent, les gens qui chialent le plus, ben en même temps, c'est tes plus gros fans. Ouais, aussi, ouais. Faut que tu les traites correctement, tu sais. Faut pas que tu te laisses marcher dessus, mais en même temps, ils achètent tes produits, puis c'est eux qui vont sûrement acheter plus. Ben, fait que c'est une balance dure, c'est ça. Là, c'est comme toi, tu sais, c'est rare que vous sortez le monde dans les marches à coups de pied. T'sais, vous essayez d'être plus doux avec les eux mains. Autres, là, mais... Ouais. Non, ben, c'est la job à Mario, ça, qui se demande dehors. Donner Mario. Non, mais blague pourrais-tu à part. T'en ça, aller, fasses s'il attention te plaît. À ton monde un peu, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, même quand ils sont déplacés. Ah, ça arrive. Ah, ouais, ça arrive. Sur ce. Ça arrive souvent les plus. Ceux-là qui sont le plus déplacés, ben, en ce qui nous concerne, c'est ceux-là qui viennent pas. Ils ont bien des choses à dire, ceux-là qui sont jamais venus. Ou ouais, non, je vais arrêter là. Ça va devenir... Il y a eu du monde bizarre la fin de semaine pendant le jour quand c'est gratuit, mais... Ouais, c'est ça. Possible. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Quand c'est gratuit, ça permet à tout le monde de rentrer. Là. Ouais. C'est tout le temps le fun quand que la foire est gratuite. Ouais, c'est ça. Ben, ce cover-là aussi, il agit comme un filtre. Exact. Ouais. Ah, c'est un bon toutes les filtre. Feux de trouble là, qui ont pas d'argent, qui veulent juste comme venir, tu sais, comme jouer, puis péter des affaires, puis pisser dans le coin, puis s'en aller. Ah, d'ailleurs, on s'est fait voler une affiche dans le. Ouais, ben ça, j'ai vu qu'il manquait une affiche. Une affiche. Voyons. Ouais, ben on a des cartes d'un marche. Puis, ouais. Il y a comme une affiche qui est partie là. Fait qu'il va falloir changer ça. C'est peut-être le même qui est parti avec mon jeu que j'avais acheté. Quand ça, dimanche? Samedi. Ouais, t'avais acheté un Metal Gear au 3DS, puis je l'ai oublié sur une télé. Ok. Puis là, je suis comme parti chez nous souper puis tout avant de revenir en soirée. Puis c'est pas un des vendeurs qui l'a pris, genre, je sais pas. Ben, je veux dire, tu leur as demandé. Ouais, ben, je te l'aurais pas volé. J'ai demandé sur l'événement. Ouais. Puis j'étais avec Vincent Laniel puis Eric Théroux, les autres l'ont pas vu. Ah, ben, tu vois. Au moins, c'est juste 15$. Là, tu penses que c'est un gamer casual ou hardcore qui te ou un gamer amer? Je sais pas. Metal Gear au 3DS, je sais pas. Non, mais il a vu ça. Il est allé le pâner. Il est allé le pâner, au pire. On va checker sur Kijiji s'il y en a un qui passe. Avec un Snow Brothers. Je reçois encore des notifications de ça. Moi, je sais pas, je vois Snow Brothers au NES. Connais-tu l'histoire, GF? Non, ça ne dit rien. Ben, quand j'avais mon local sur Frontenac, on s'est fait voler un Snow Brothers. Puis le dessus du label, dans le haut, il était comme magané un peu tout ça. Puis là, j'ai fait le lendemain ben du bouquin sur les médias sociaux pour genre n'importe qui. Si vous voyez un Snow Brothers à vendre, puis il est magané dans le haut, c'est le mien, je me suis fait voler, fait spotter la personne, tu sais. Puis on l'a jamais retrouvé. Puis tu sais, les boutiques à Québec, tout ça, étaient comme ben se rallier à ma cause. J'ai tout à trouvé ça super gentil de la part de tout le monde. Puis je reçois encore une fois de temps en temps, quand il y a un Snow Brother qui sort, genre ça, une notification. Mais hey, c'est-tu le tien? Il y en a un qui était sorti un peu magané dans le coin. Ouais, récemment, il était vraiment plus magané que celui. Mais j'aurais dû garder la photo en tête. Ben, en fait, si je recule dans Papa Cassette 2 ans, je devrais retrouver l'image. Mais ben, oublie ça, là, le gars, il faut vraiment qu'il soit cave. Là, d'avoir. Puis je sais, je sais c'est qui, style, le trou de cul qui a fait ça. On n'était pas beaucoup de monde ce soir-là dans notre petit local. Puis il y a un d'autre qui était bien épaté de voir un Snow Brothers puis un Panic Restaurant. Puis le lendemain, dans la page de l'événement, je faisais des événements pour ça, t'sais, j'ai écrit « Hey, là, Snow Brothers, en tout cas, dadada. » Puis lui, il a été le premier à répondre « Ah, je peux pas croire, ta-ta-ta. » Je commence « C'est sûr que c'est toi, c'est sûr que c'est toi. » Là, tu te rallies, là, à... Ah non, c'est sûr, c'est louche. Ah, man. Aïe. Eh ben. C'est du passé. C'est bon, c'est Snow Brothers Gate. Farewell, sweet princess. Ouais. C'est clair. Colin, les beaux déneigeurs. Yes. Mais là, Dom, je pense à ça, là. Oui. Il y a eu un événement sur Wikipédia aujourd'hui. Ouais, t'attends un peu. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, toi, là, Bruno. Là, je sais. Faut partir de la toune. Mais là, écoute. Faut dire que c'est la fin du show. Faut remercier les fans qui étaient live ce soir. On a également une question de... On avait quelque chose à dire. Christian Chevalier qui veut savoir si on va faire un épisode spécial pour le 100e, qui est le prochain. Oui. Fait que Dom, on pourra plus dire des noms de joueurs de hockey sur les numéros, là. C'est le Gretzky à soir, le 99. Je sais, c'est le Gretzky, je voulais le dire au début. On l'a oublié. Je pas la parole. Ouais, en tout cas. Fait que là, ben, pas que c'était une tradition qu'on tenait depuis le 10e épisode. Non, ça fait comme 3 jours. C'était trompé, ça me passe. Ouais, je m'excuse. J'ai dit le Mogheni, c'était 89 et non 98. Ouais, ouais. Je suis un peu dyslexique des chiffres, comme ça. Ben écoute, il va falloir se trouver autre chose. Oui, on va faire un épisode spécial, entre guillemets, au niveau du 100e. Pas en public, comme vous avez demandé aujourd'hui. Là, on se déplace pas pour celui-là. Sauf si vous payez. Ouais. Plus. Comme faire des shows privés, des corpos. Là, on va faire un corpo. Ça serait hot, ça repartait de bureau. Faudrait checker combien Patrick y a en charge. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai chargé le double, vu qu'il est tellement chier à ce temps. Mais oui, on va faire quelque chose pour le 100e. Hey, la communauté sur le dos. Là. Surveillez la page Facebook pour la date du 100e épisode parce que ce ne sera pas lundi dans deux semaines. Il y a quelque chose qui des conflits d'horaire, là, mais on va regarder rapidement ce qu'on fait. Mais oui, c'est vrai, ça va être après la relâche. Hein? Ouais. Parce qu'on n'est pas là. Non, c'est ça, on n'est pas là. Moi et Dom, on s'en va. Mais oui, on va faire quelque chose de spécial. On va s'occuper des enfants. Dans la neige. Vous allez faire la trip à Thetford. Ouais, le musée minéralogique. Poisson. Après ça, on va se prendre une crème en glace chez Derry Joy. Crème à glace en mars, tu sais. Non, c'est les Snowbirds, les propriétaires de Derry Joy. Okay. Ils sont en Floride. Bon. C'est là qu'ils montent. Mais ouais, on s'en va avec nos kids, là. Fait que la semaine d'après. La semaine d'après. Surveillez la page Facebook, on va faire un événement qui va dire la date. Exact. Yes. Good. Puis merci à tous les Patreons. On vous rappelle qu'il y a un pré-show pour les Patreons, qui va être enregistré avant tous les épisodes futurs de Rétro Nouveau. Environ 30 minutes d'avance, en avant, on se met live et on joue à quelque chose. On joue à des jeux, on parle. On dit niaiserie. On dit plein d'affaires. Des préliminaires exclusifs. Exclusifs. Exactement. C'est ça que c'est. Pour vous mettre en appétit. C'est du touchage. Auditif. Du touchage. Puis on attend vos suggestions, les Patreons, à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de nous. On est vos esclaves. Vous payez, vous avez le droit de nous demander ce que vous voulez. Exactement. Si vous nous demandez d'aller à l'Intermarché voler des petits bonbons dans la rack, on n'aura pas le choix de le faire. L'Intermarché. Nice. Il y en a pas un sur Mont-Royal encore, ça a changé depuis 10 ans vu que j'ai pas remarqué. L'Intermarché. Parce qu'il est plus là, c'est un métro. Ouais, il me semble que ça a switché pour un métro. L'Intermarché. Good old days, l'Intermarché. Yes, mais ça. Ouais, c'est ça. Parlant des good old days, comme tu disais tantôt, il y a d'après Wikipédia, c'est le 30e, je pense, anniversaire de Contra. En ce moment même. Ouais. La sortie japonaise d'Arcade. Le 20 février. C'est ça. Arcade que j'aimerais qu'on possède un jour. C'est malade. Fou. Hey, les gars, en haut, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en